Il s'agit du flow de cast. Oh là là, attendez, avant que l'épisode commence, une petite annonce, on n'a pas pu le dire pendant l'enregistrement, on vous le dit maintenant. Aujourd'hui même, on lance le merch Floodcast. Il est déjà sorti au moment où vous entendez ça. Il est dans la description, on l'a sûrement mis sur nos réseaux sociaux. C'est des t-shirts, des hoodies, des sweats, des casquettes, des bonnets. Alors c'est très simple, c'est des vêtements noirs avec simplement le logo brodé. Voilà. Magnifique. C'est très sobre et on a voulu faire un truc assez joli. À notre image. Sobre et peut-être même raffiné, je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Sexy raffiné, c'est sur le site trafic.fr. T-R-A-P-H-I-C.fr, exactement. Vous devriez trouver le truc, vous scrollez dans la boutique au pire, mais je pense que ce sera dans la page d'accueil, tout simplement. Voilà. Et sinon, vous allez sur le compte Twitter de Floodcast et vous aurez l'adresse, tout bien simplement, sûr. Pour cliquer. Vous n'aurez qu'à cliquer. Et même sur l'Insta d'Adrien, le mien, dans la bio de tout. On va bombarder pendant évidemment, un mois. L'idée, c'est d'en vendre un milliard. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit prêt pour être glissé sous le sapin, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est disponible à la vente pendant 30 jours, d'accord? Pendant 30 jours, il n'y a pas de stock. Donc, en fait, vous commandez et nous, derrière, on produit ce qui est commandé. Et derrière, on vous envoie ça, d'accord? Et ça devrait arriver juste avant les fêtes de Noël. Bah oui, voilà, là, on a tout prévu. On a tout prévu. Donc, vous avez 30 jours pour commander. Il y a des casquettes, comme dit des hoodies, plein de choses. Tout. Et alors, petite friandise. Petite cerise, oui. Petite cerise. Pour tout ce que vous commandez, si vous commandez genre un t-shirt ou un bonnet, un malheureux t-shirt. Si vous faites ça, c'est même plus la peine de nous écouter. Non, mais quoi. Mais en tout cas, vous avez un stickers pour un produit acheté. Qui est sublime. Hein. Qui est un stickers qu'on a bossé. On est quand même content. Et si vous achetez deux trucs, bon alors là, cadeau supplémentaire, un pins. Un podcast. Bon, tout est sur le site. De toute façon, allez voir. On vous laisse avec votre épisode. C'est avec Trafic. On est trop contents. Ça fait longtemps que vous demandez du merch. Franchement, c'est trop cool. C'est parti. C'est du brodé. C'est du 100% biologique. C'est du français. C'est magnifique. Oui. Et si ça marche, il y en aura d'autres. Oh, n'en dis pas trop. Place à l'épisode. Oh, perforas. Un petit peu, perforas. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa merch. Floodcast. Laurent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Oh là là, mais quel bonheur. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous avons trois invités, Adrien et moi, qui nous accompagnent pendant toute cette émission. Notre premier invité est un peu la Gepetto de la fiction du web. Je m'y attendais pas. Wow. Non, wow. Pas parce qu'elle tire les ficelles, mais parce qu'elle s'est esquinté les mains à tout produire. Si le Golden Show, Golden Moustache et Studio Bagel ont pu exister, c'est grâce à elle. Aujourd'hui, elle est productrice pour des émissions télé, de la scène, du podcast. Elle est aussi active dans le collectif Elles font YouTube et donne des masterclass pour aider les nouvelles générations à mettre de l'ordre dans leurs idées. Elle est une des plus grandes fiertés d'Ardèche avec la Grotte Chauvet. C'est Vanessa Brilla. Bravo. Bravo. Et oui, c'est moi, la petite Magnifique. Princesse de la production. Déjà, on ne dit pas la Gepetto, on dit la Gepetta. Oui. C'est vrai, j'aurais dû. Bien que principalement connu pour avoir été scénariste sur Caméra Café 2, la série, notre deuxième invité a écrit et joué pour la grande famille qui était Studio Bagel avant de rejoindre la grande famille Canal+, en tant qu'animateur avec Crac Crac et Poulpo Vision. Notons qu'il fait aussi partie de la grande famille du cinéma avec le film Budapest, la grande famille de la BD avec Alain au Pays des Merveilles, la grande famille de Twitch avec Morning Gallery, la grande famille de la musique, la grande famille du podcast audio, la grande famille du rugby, bref, il se balade entre les arbres généalogiques du divertissement le long de sa liane, plein de sève sur les mains. Son vrai prénom, c'est Nicolas, c'est Monsieur Poulpe. Ouais, ça me fait plaisir que 25 ans d'anonymat soient révélés un lundi. Alors déjà, c'est pas Nicolas, c'est Nicolo. Oui, mais il faut que je bosse mes fiches, putain. Notre troisième invité a sûrement dressé des dizaines de milliers de portraits dans sa vie. On aurait presque envie, comme Mick Jagger, sympathisant avec le diable, de le laisser s'introduire tout seul. Mais nous ne sommes pas encore assez intimes pour lui demander de faire une chose pareille devant nous. Si la vie était un magasin Citadium, il serait chef du rayon New Era, tant il possède des casquettes. réalisateur, scénariste. Oui, oh bah écoutez, comédien, animateur de la radio, comme à la télé, journaliste, auteur de littérature, puisqu'il sort perso chez Sonatine. Il est même Stuart Little et Lucky Luke, je peux pas vous dire mieux. Ça fait beaucoup, c'est Antoine Decaune. Ouais, c'est de mieux en mieux. Et là, j'ai pas de A, j'ai pas de O. Non, ouais, je suis désolé, j'étais un peu bloqué. Antoine Decaune, Rapida. Ah, de Cannes, de Cône. Il y a ma mère qui m'appelle. Vas-y, décroche, t'en prie. Ouais, je la mets en parleur. Elle t'appelle en PCV. Elle est en attente. Ah. Elle est en prison. Elle est là sans tôle. Elle est incarcérée. Elle ah, bon. Ça veut dire qu'on a le droit de répondre aux appels pendant l'émission. N'hésitez pas, ouais, aucun problème. Oui, non, non, ça va, c'est à la cool. Le mode avion. Oui, je t'en prie. On l'a trouvée au petit matin, tout nu dans mes grands souliers, placée devant la cheminée. Pas besoin de vous faire un dessin. Il n'est pas la fille du Père Noël. Je ne suis pas le fils du Père Fouettard. Il s'appelle Adrien Méniel. Je m'appelle Florent Bernard. Oh, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. C'est même plutôt pas mal. Merci, c'est gentil. Moi je suis un peu touché. Oh écoute, bah, c'est... mais c'est pas de moi hein, le dernier. Franchement, ouais. C'était hyper bien écrit tout ça. L'émission peut s'arrêter là. Ouais. Ah ouais, ça bah, fait... on peut que descendre maintenant. Ça va être vraiment moins bien de toute façon. Commençons le déclin de cette émission. Eh ben c'est parti, je lance le deuxième jingle alors avec le jeu de l'actualité du Floodcast. Les news du Floodcast. Les news du Floodcast. Alors le Vatican, je suis un peu piégé parce que je Attendez, sens qu'il y a je des gens. Je vois des Allemands qui défilent dans la rue. Incroyable. Alors faut que j'atteigne quand même. Histoire de. On évite de donner l'adresse de Florent. Non, si on peut, écoute, on a donné le prénom de poule. Ah ça y est, t'as mis la Bible. Ouais, là j'ai mis un petit bip direct, très tôt. Oui, je suis un peu bloqué parce que je sais que Poulpe, par exemple, avec Morning Gallery, Antoine aussi avec France Inter, vous devez lire beaucoup d'infos un peu insolites. J'espère que je vais pas dire que des trucs que vous savez. Le Vatican, par exemple, a tenu à adresser un message à tous les exorcistes du monde concernant leurs pratiques. À votre avis, lequel? Calmos. Ouais, c'est un peu calmos. Peut-être consulter le Vatican avant de pratiquer un exorciste ou alors Attends, j'ai pas compris la question. La question, ouais. C'est que le Vatican a tu tenu. Tu n'écoutais à... pas Antoine. Le Vatican a tenu à adresser un message à tous les exorcistes du monde. Donc il y a un vrai métier que les gens quel font. Quel message? Et je veux le savoir. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait il y a une activité que les exorcistes font en ce moment et le Vatican a tenu à dire effectivement calmos. Ouais. Mais alors est-ce que c'est avec les restrictions sanitaires? Oh là là, tu es très proche. Ouais. Tu es même plutôt sur la bonne voie. Pas cracher dans la bouche des des possédés. Non, c'est pas ça. C'est un truc, un rapport avec la salive. C'est pas avec la salive, mais c'est lié à avec la. Avec les sécrétions. Pas avec les sécrétions. Les doigts. Faut mettre du gel. Montrer un passe sanitaire. Non, mais ce serait pas mal. Mettre un masque quand il faut un exorciste. Non, mais de toute façon, je vais vous le dire bientôt parce qu'au final, vous êtes vraiment pas loin pourquoi du tout. Pas, pourquoi c'est pas jouer. Demander au diable de mettre un masque. Le masque du démon. Oui, bien sûr. Alors non, c'est pas lié au fait. Ah, c'est quand les démons possèdent la personne qui mettent du gel. Non, c'était pas ça. Mais c'est beaucoup plus simple que ça au final. Hein. Vraiment, dites-vous. Ce que les exorcistes font dans la vie, par exemple. Jette de l'eau bénite. Ce que les exorcistes font dans la vie. Alors, je sais pas, j'ai jamais assisté vous à vous avez jamais fait exorciser? Non, jamais. J'ai vu en Grèce, en revanche, une vieille qui enlève le mauvais œil. Ah ouais. Et j'ai vu de mes yeux vus un drap qui s'est transformé en torchon. Mais vraiment, il s'est transformé. Ah, mais vraiment, il a rétréci. Il était super un drap et c'est devenu un torchon. D'accord. Miracolo! Red Room! Ça m'a considérablement. Oui. Non, ça m'a impressionné. Parce que tu crois en ces trucs-là à la base ou pas du tout? Alors, de voir ça, du tout. Parce que là, c'est un tour de passe-passe un peu quand même. Non, c'était devant mes yeux. C'était dans un resto. J'avais testé la qualité du drap. C'était David Copperfield avec une perruque. Non plus. Est-ce que quand elle t'a rendu la monnaie, elle a pris une pièce derrière ton oreille. Est-ce que quand la vieille dame t'a enlevé le mauvais œil et je fais des guillemets avec le doigt, est-ce qu'elle avait mis un peu de la crème dans les mains et qu'elle s'est enlevé le mauvais œil? Non, elle l'avait pas touché. Et en plus, c'est pas moi qui l'avais le mauvais œil. J'étais simplement spectateur. Voilà. Okay. Non, là, en l'occurrence, les exorcistes font un truc vraiment très simple. C'est pas vraiment sur leur. Mettre les mains sur la tête des victimes? Non, mais je vais vous donner la réponse, vous allez voir, c'est tout bête. Il y a plein d'autres questions, t'inquiète pas, Adrien. Adrien adore le jeu, c'est très difficile en fait de lui donner une réponse, mais c'est tout simplement de dire aux exorcistes d'arrêter d'essayer d'enlever le Covid, hors des gens. Ah, le démon, ça passe, mais le Covid, le démon, c'est ok, mais pas le Covid. Laissez les médecins travailler, c'est ce que le Vatican a tenu à dire. Donc il y avait des exorcistes qui prétendaient retirer le Covid. Exactement. Mais donc ils s'adressaient directement au Covid. Hey, Covid! Sors! Covid! Covid. Sors de ce corps. Comme dans Fort Boyard. Tu sors. Ouais. Sors Covid. Mais ça c'est dans les églises baptistes américaines plutôt, non? C'est alors ouais. C'est plutôt ouais. States, ouais. Mais après le, ah ouais le Vatican est plutôt sympa parce qu'ils ont dit au monde entier, tu vois, ils ont pas voulu pointer stigmatiser une population. Exactement. Mais ils ont dit au monde entier arrêtez d'essayer de dire que vous enlevez le mais Covid. Ils ont fait le discours en anglais quand même. Exactement. Aucun on dit pas à qui on s'adresse mais précise quand même pour ceux qui écoutent que j'ai devant moi une bouteille avec un gros truc noir à l'intérieur. Alors oui, parce que je peux demander au gros truc noir de sortir de la bouteille. Je ne sais pas, que, c'est pas ce que c'est, je vais pas toucher à cette bouteille. Alors je vais vous expliquer, bon ouais. ça questionne beaucoup de gens. Ouais. Donc, merde, sors de ce pichet. Sors, merde. C'est quoi? Alors évidemment ça ressemble à de la merde, j'en ai totalement conscience. Alors c'est... une expo, c'est une expo, c'est... Je nous fais une petite expo. Vous allez tous le dédicacer à la fin de l'émission. Et on il va le vendre aux enchères. Il a fait ses analyses. Il nous a fait ses analyses ce matin. J'attendais à ce que vous m'applaudissiez. Enfin, je sais pas, c'est quoi, fier de moi. Alors en fait, c'est un, c'est, je sais plus le nom. C'est pas charbon, moi qui l'ai acheté. C'est un charbon qui enlève les toxines de l'eau. Oh, voilà, parce que l'eau n'est pas toujours très propre. Prétendument, on autant a zéro que preuve. La grecque mais enlevait le mauvais œil. Vous êtes exorciste, Flaubert. Je suis moi-même exorciste. Ah, d'accord. Oui, en année 2, mais je suis exorciste. Deux frères ont tenté de duper la police sur une route de Perpignan alors qu'ils étaient en état d'alcoolémie. À votre avis, qu'ont-ils fait? Big Flo Oli. Ce sont eux deux. C'est ça. Qu'ont-ils fait? Ils ont dit, on a bu que du coca, on n'est pas des gangsters. Oh, si c'était Big Flo Oli, mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est de la calomnie, on n'a pas touché une goutte d'alcool. Est-ce qu'ils ont fait souffler un chien dans l'alcotest? Alors, ils n'ont pas fait souffler de chien dans l'alcotest. Ils sont jumeaux. Ni un gosse. Bien joué, ils sont jumeaux. Bim. Ils se sont fait passer l'un pour l'autre. Très bonne réponse. Il y en avait qui bougeait la bouche et l'autre faisait le lip sync. Non, je ne suis pas sous. Et donc, ils n'étaient pas tous les deux en état d'alcoolémie? Alors justement, si, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'ils se sont dit, c'est bon, on échange, mais les deux étaient bourrés. Donc, en fait, ça ne fonctionne absolument pas. C'est vraiment un plan de personne bourrée. J'ai une histoire géniale avec des jumeaux que j'ai lu hier soir. Je t'en supplie. Bah bien sûr. C'est Mark Twain qui raconte ça. Quand il avait un frère jumeau et il ressemblait. Mark Twain du coup. Oh, Pardon. Et ils avaient, on leur mettait des petits bracelets de couleurs différentes pour les différencier tellement ils étaient semblables. Et puis un jour ils ont pris un bain, on leur a enlevé le petit bracelet, il y en a un des deux qui s'est noyé. Et Mark Twain dit qu'on saura jamais lequel. C'est son frère. Ouais, sort de dingue. Pas mal. Mais il avait comment? Non, ses bébés, ils sont morts. Un des deux. Il n'avait rien écrit encore. Enfant. Oui, très jeune. Enfant. Ils avaient 45 ans, c'est ça. Ah, non, il n'était pas adulte. J'imagine Mark Twain avec un mec identique. Ouais, c'est vrai. Avec une énorme barbe, une moustache et dans une baignoire. Je me noie. C'est une anecdote. Et l'autre qui bouge pas. Il ne faudra jamais qu'il sait. On peut quand même retirer le truc noir de la bouteille. Je suis désolé, il faut le laisser. Il est en train de travailler. Non mais c'est rigolo parce que l'histoire aussi des jumeaux là, c'est une histoire de vêtements, puisque en plus les flics ont remarqué qu'ils avaient pas les mêmes fringues, donc en fait ils ont dit bah non les gars, on vous a vu, vous avez échangé. Donc oui, les deux étaient positifs à l'alcool, affirmant chacun que le même taux, 1,06 g d'alcool par litre de sang. Ils avaient le même. Exactement, ils avaient exactement le même taux d'alcool. Ouais. C'est vraiment des gros jumeaux. Ouais. Ce qui me permet de vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles avec la police ou des trucs? Parce que par exemple, Antoine, dans ton livre, tu racontes une anecdote où tu as été arrêté du côté de Trouville. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui, alors j'ai été arrêté assez souvent, moi, en fait. Ah. pour des infractions mineures, hein, mais à chaque fois, c'était compliqué. Mais là, à Trouville, c'était un peu particulier parce que j'étais avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Bruno Gaston, qui nous écoute et que j'embrasse, évidemment, chaleureusement. Et à Trouville, c'est un endroit où je vais depuis que je suis au monde, donc c'est chez moi, quoi, là-bas. C'est mon pays. Et puis, on était à un feu rouge et il y avait vraiment personne qui arrivait. Il n'y avait pas personne de droite, de gauche. Je glisse le feu, comme on dit. Sauf que j'avais pas vu qu'il y avait la bagnole des flics derrière moi, qui immédiatement déclenche la petite barre sur le toit, le gyrophare, qui se manifeste tout de suite. Donc, je me range sur le bas-côté. Et là, un des deux vient me voir en disant « Monsieur Decaune, enfin, c'est quand même pas sérieux. Enfin, montrez l'exemple, quoi. Vous n'avez pas commencé à griller des feux. » Je dis « Mais... » Et je veux m'expliquer, lui dire que oui, non, mais j'ai pas grillé, j'ai juste glissé. Vous savez bien, vous êtes témoin, il n'y a personne. Et là, mon ami Bruno Gaston dit « L'écoutez pas, monsieur l'agent, l'écoutez pas. Il m'a dit, il y a un instant, tu vas voir, non seulement je vais le griller, mais en plus... » Je les emmerde, ces gros cons. Et tu vas voir qu'ils vont rien dire. Ce qui est assez marrant. Moi, j'aime bien la vanne. La vanne est super. À expliquer au mec, non, mais attendez. Il plaisante. Il déconne. Et l'autre, évidemment, il en rajoute des caisses. Non, je plaisante pas du tout. Il a vraiment dit ça. Il a même dit, tu vas voir, Non seulement ils vont me dire que j'ai à griller le feu, mais moi je vais leur répondre, mais je t'encule, tu vas voir. J'ai un peu allégé dans la version. Ouais, ouais, ouais. Je suis content que tu nous aies laissé la saveur du t'encule. C'est pas ça, c'est qu'ils risquent risque de le lire. Ah oui, ils risquent de le lire, mes amis policiers de Trouville-sur-Mer. T'as payé au final ou pas? Non, ils ont dit, écoutez, dites à votre copain là qu'il modère un peu son langage. Et puis ça va pour cette fois. Ça me fait penser à l'audace, c'est ça, 20 sur 20 au bac. C'est la même chose. Ah, ouais. C'est exactement la même chose. C'est qu'ils se sont dit, waouh, ok, non, on lui met 20. Non, mais c'est l'autre cas. Enfin, ils se sont dit, oui, c'est ton pote qui est. Toi, ça va, en fait. C'est, au final, c'est quand même Non, il y a un doute. Il y a un doute. Il y a encore un doute. Il y a un doute qui a subissé. Toi, Poulpe, t'as eu une histoire? Moi, c'était à l'époque des Rois de la Suède, on avait fait un. Qui était ton groupe de musique. Exactement, quand j'étais chanteur. Et on avait fait un concert, et donc c'était en festival, et donc c'était dans un champ et tout. Et notre hôtel était vraiment, mais à 100 mètres, on le voyait, tu vois, ouais, du champ. Et donc, on prend la voiture pour ramener le matériel à l'hôtel, mais c'était 100 mètres, vraiment. Et à la sortie du festival, il y avait des gendarmes. Et donc, nous, on avait bu et tout en sortant de scène. Moi, je buvais énormément à l'époque pour oublier que j'étais chanteur, finalement. Et donc, du coup, on est dans la voiture, on est tous sous, mais encore une fois, je le dis, c'était 100 mètres dans un champ et on se garait à la fin du champ, tu vois. Je veux pas le savoir. Et les gendarmes nous arrêtent. Ils me reconnaissent, j'étais un peu connu à l'époque, ils me reconnaissent et ils me demandent de faire des photos, machin. Donc moi je dis à tous mes potes, non, vous inquiétez pas, c'est bon, on fait des selfies. Et après ils m'ont dit, donc voilà, donc ça va faire tant. Et je fais, mais ah oui, ça va pas être en fait, parce qu'on a fait des selfies, du coup vous me les payez, comment on marque. Et est-ce que si t'avais demandé les selfies après l'amende, t'aurais fait, pouf, alors là, même pas. Évidemment. Ah ouais, mais évidemment, bah non, mais c'est pas cool, c'est pas cool. Ah merde, je suis pas faut cool. Que tu différencies le policier du fan de l'artiste. Ouais, c'est ça. Vanessa, Adrien, déjà. Adrien, toi, t'es un angelot. Moi, j'ai rien fait. Bah ouais, j'ai pas vécu, moi, pas, Vanessa, pas en Ardèche. Je n'ose pas imaginer. Genre, non, j'ai pas en Ardèche. J'ai une anecdote en Corse, mais on s'en fout un peu. Ah. Sinon, je me suis fait arrêter dans un bar à Paris par un flic en civil parce que je me battais. Ah. Mais c'est pas mal ouais, pour baston. Et tu prends une amende. Comment une tu sais qu'il était en civil? Parce qu'il m'a montré sa plaque. Aïe. Et après il m'a dit, je t'ai sorti de là parce que t'allais te faire défoncer la gueule. Ah ouais. Et ils m'ont escorté jusqu'à chez Davy, parce que je squattais chez Davy à l'époque. Bien tu te souviens de cette histoire? Bien sûr. Et j'ai été escortée par trois bagnoles de flics et tout, comme telle une déesse de Pigalle, ivre morte à 5h et se bat contre des gars. Voilà. Et moi, je voudrais savoir pourquoi elle se battait surtout. Mais oui, est-ce qu'on peut savoir? Elle avait été très, sale, très peloteur. Oh. Ah, voilà. Ouais. T'es Wonder Woman. Ouais. Écoute, bah, oui. Je fais la justice. Bah, ouais, tu fais du moins de temps à autre. Les flics n'ont rien fait pour punir la personne. Non. Oh, et bim, la police. Vous avez rhabillé pour l'hiver. Apparemment, c'est ok de ploter des meufs. Les flics, super. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission. La navette SpaceX, accueillant des touristes. Qui accueille les touristes. Ah, il en a entendu parler. Je suis grand spécialiste de SpaceX. Elon, bah alors, on a appris qu'il y avait eu un dysfonctionnement assez embêtant dans la navette. À votre avis, lequel? Les toilettes. Alors, c'est la bonne réponse. T'en as entendu parler? Oh, waouh! Wow. Ah, voilà, tout de suite, ah, tout de bah suite. On est on associe avec ce qu'on voit dans la bouteille devant nous, là. Je me suis régalé, je me suis dit, c'est les chiens. La bouteille, elle vient pas de SpaceX, là. C'est les fossiles. Non, sans blague. Non, mais essayez de creuser. Est-ce que les toilettes rejetaient les déjections? Le rejetaient à l'intérieur. Et ouais, voilà, c'est pas ça? Une sorte de 2001. Bah, des bulles de caca et de pipi. Bah, écoute, non, je crois, si, c'est ça. C'était bouché, ouais. Ouais, ah, non. Il faut savoir que SpaceX, c'était le fameux premier vol des milliardaires. Oui, ouais, voilà. C'est vraiment. Ils ont passé 4 jours avec les chiottes bouchées. C'est vraiment un truc de camping, normalement, quoi. Exactement. Et donc, j'ai un peu digué pour savoir un peu plus des infos. Et il faut savoir que dans l'espace, on n'entend pas crier. On n'entend pas crier. Ça sent bien la merde. C'est l'odeur est très présente dans l'espace. Il n'y avait pas le capitaine de Star Trek, là? Oui, bien sûr. Il pouvait pas réparer dans ce vol-là. Lui était dans le vol d'après. Il était dans le vol d'après. Mais du coup, techniquement, comment il faisait, du coup? Bah, il continue. Il continue à chier et pisser, mais ça se remplissait, quoi. Bah non, il n'y a pas de gravité. Et t'as l'anecdote de ça flottait dans la vie sur la Terre des chiottes? Non, bah je t'en supplie. En fait, c'est qu'ils avaient en plus vendu le fait que des chiottes, t'avais un hublot qui donnait directement sur la Terre. Et en fait, ils n'ont pas pensé que quand tu fermais, ça actionnait un truc qui faisait que ça bouchait la vue. Donc en plus t'avais pas la vue, t'étais vraiment enfermé dans tes chiottes qui puaient la merde pour des milliardaires, oui, parce que pendant 4 si, jours. Parce que si t'es dans, bloqué avec ta merde, au moins si tu vois la terre, évidemment, il y a un des sens qui est un peu stimulé, mais c'est un peu démoralisant quand même de payer une fortune pour aller dans l'espace pour se retrouver dans les chiottes de festival. Moi, quand je vois comment je suis relou sur Booking, dès qu'il y a un petit pet, là, franchement, si j'ai payé un voyage dans l'espace et j'ai les pieds dans la merde, je serais très énervé quand même. Un Indien très alcoolisé est mort en voulant se venger d'un animal. Bah, je vous demande l'animal. Un singe. Alors, pas les singes, parce que c'est vrai que beaucoup un dans l'émission, on a beaucoup très d'histoires. Alcoolisé, on a des histoires où des singes agressent des gens. Ah, je les ai vus de vive voix. Très agressif. Tu as possédé un singe, d'ailleurs. T'as possédé un singe. Mais blanc. Un Indien. Oui, je connais ta vie, en fait. J'étais dans le côté possession exorcisme. Non, là, c'est un Indien très alcoolisé qui a voulu se venger d'un animal qui lui a fait quelque chose et bah il en est mort. Donc je vous demande l'animal et la façon dont il est mort. Alors ce n'est pas une vache, ce n'est pas un lion. Un cheval. Un bison. Pas un oiseau. Pas un cheval, pas un oiseau. Un faucon. Pas un rat, pas un faucon. Il a théma la taille, peut-être. Peut-être, mais non, comme le célèbre. Même, mais non, pas un crocodile. Pas un crocodile. Un raton laveur. C'est un animal sacré. Pas un raton laveur. Moi j'aime tous les noms d'animaux. Donc un tapir. Pas un tapir, mais Vanessa était presque plus proche avec son crocodile. Un lézard. Aquatique. Pas proche. Un caméléon. Un iguane. On est dans la famille des reptiles. Un pangolin. Pas un pangolin. Un armadillo. Tout simplement un serpent. Mais alors je vous demande comment. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Il l'a mordu, non? Il a été mordu. Ah, mais c'est pas une vidéo où il a été mordu la joue. Non, non, non. Le serpent n'a pas mordu la personne. Non, non. En fait, il l'a attaqué. La personne était très énervée, donc s'est vengée. Et en se vengeant, elle est malheureusement décédée. C'est un bébé cobra, je peux même vous dire. On essaie de deviner comment il a essayé de se venger. Exactement, ce qui a entraîné immédiatement sa mort. C'était dans une cuvette de toilette? Pas du tout. Ouais, parce qu'il se cache souvent dans les cuvettes. Dans les chiottes des charrues. Les Indiens se cachent souvent dans. Il l'a emmené dans l'espace? Non, pas du tout. Il a essayé de l'enfermer dans quelque chose? Non. De le taper? Non, pas de le taper. Mais le jeter, le jeter, tirer dessus. De jouer de la flûte avec. Non, avec le serpent, directement. Ouais. Ah oui, le charmer. Il a mal vu le dessin animé. Il a voulu lui faire du mal. Il lui a fait mal, je pense même. Il l'a mis dans une bouteille d'alcool. Il ne l'a pas mis dans une bouteille d'alcool, je pense même qu'il est mort. Alors, il lui a jeté quelque chose dessus. Non, parce qu'ils font ça en Savoie. Ah oui? Te chope une vipère, ils te la mettent dans une bouteille d'alcool, ça s'appelle de la vipérine. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Et ça confère des. Ça confère rien du tout. Ouais, la diarrhée. Ça confère la diarrhée, je pense. C'est de dingue. Non, je pense même que le bébé cobra est décédé. Hein, Ouais. Mais en décédé. Ah, il l'a mangé? Je te il l'accorde. L'a avalé, non? Non, il en s'est fait, mis dans le cul. Il non quoi? Oh, non, bah, non, non, non, non, mais vraiment là, ouais, tout de suite. Antoine, oui. Vraiment t'habituer. Non, bah, j'ai bien aimé. Il l'a mangé, il l'a avalé, il l'a mis dans le cul. Non, parce que dans l'ordre. J'ai dit, il l'a avalé, t'as fait presque. Donc je me suis dit, bah c'est le podcast qui s'est mis dans le cul ou dans l'urètre. Non, non, non, non, non. Écoutez, il a simplement mordu le bébé cobra au sein. Antoine l'a dit. Je l'ai dit. C'est le la personne a mordu. Oui, bien sûr. Pardon. Compris, le serpent a mordu la personne. Autant pour moi, on compte pas les points, mais il te revient immédiatement. Oui, oui. Il a mordu. Bien sûr, il l'a mordu en voulant se venger, mais vu qu'il y a du venin dans un serpent, ça l'a tué immédiatement. Faut être con pour mordre un serpent. Faut être con, très con. Alors, il était très bourré. Il était très bourré. Oui. Il était très bourré, mais son jumeau était là. Son jumeau s'est noyé. Son jumeau s'est noyé. On ne saura jamais si c'était Marc-Twain ou non. Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi le truc noir là? C'est de la merde, Antoine. Enfin, ça me paraît évident. Une merde de ça serpent. Me paraît évident. Alors ça me fait vraiment plaisir parce que depuis le début on ne parle que de caca. Ouais. Et il faut savoir que Antoine, je le pratique depuis quelques années, je sais qu'il aime pas du tout les blagues de caca. Et moi je m'en régale doublement. Ah bah, moi j'ose pas le regarder. Ça va, ne serait-ce que lui mettre une merde dans une bouteille devant lui. Ça, j'y décèle une attention. Une merde dans du formol. C'est exactement ça. Exactement ça. Si tu veux, je peux mettre une bâche dessus ou quelque chose. Non, pour non, non, ça y est, je me suis habitué. Non, mais je suis pas là, j'ai pas de phobie non plus de la merde. Non, c'est pas ton grand truc. Non, mais non, j'aime bien, je suis assez scato. J'aime bien le mot scato. Mais alors, le pire des scato, c'est les scures. Ah ouais? Vous savez ça ou pas? Ah bah non, alors, lui, vous lui faites n'importe quelle vanne à base caca. Ah bah oui, du caca, des proutes. L'épais, oui, bien sûr. J'espère bien. Les proutes aussi, ça me fait beaucoup rire. Ça va d'avoir un bruitage, mais j'ai rien. Non, Adrien, plombé. J'avais un père en arrivant, mais je l'ai fait déjà. Ouais, vas-y, refais. Si j'y pense, ouais. Vas-y, Tu pensais pas vivre ça? J'ai été silencieux pendant un moment. Qui dit Adrien de péter. Bah oui, Adrien. Je pensais pas voir ça. Ne me déçois pas, Adrien. Je vais être silencieux pendant un moment, mais je me concentre. ça se rapproche assez, assez d'un rêve que je suis en train de vivre. Poulpe, je me tournais vers toi parce qu'on parle de Jean Bourré. Alors, bon, tu as fait les recettes pompettes, bien sûr. Cultissime. Est-ce que tu as une. Tu as fait Chambre avec V aussi, dernièrement. Oui. Qui est une autre. Qui est un, tu peux dire ce que c'est peut-être pour nos c'est, amis une, c'est une émission sur Twitch où on prend. Vanessa a participé d'ailleurs. Exactement. Absolument. On prend du THC avant le, juste avant le tournage de l'émission qui est en direct. Et on répond, on essaie de résoudre des problèmes de notre société tout en vivant une montée de weed. D'accord. Simplement. Et du coup, on trouve des super solutions c'est à ça. Chaque fois. Magnifique. Et ma question était, est-ce que toi, tu as un souvenir d'une cuite ou plutôt d'un post-cuite, un moment fou que tu as vécu, peut-être même dans l'émission des Recettes Pompettes. Bah, dans Recettes Pompettes, bon, et alors, si énormément. Si tu t'en souviens, mais... c'est que c'était pas une cuite. Oui, ouais, c'est ça. Ah, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Mais, moi, je me rappelle. Alors, bon, moi, mon premier tournage, c'était avec Stéphane Bern, et j'ai bu. En fait, Stéphane dit ouais, moi, ça, j'ai un rendez-vous le soir, donc est-ce qu'on peut tourner à 14h ? On lui dit mais gars, t'auras jamais ton rendez-vous le soir, c'est pas possible, quoi. Et fait si machin ça. Donc on tourne, on sort de l'émission, il est 16h, on est ivre mort. Donc évidemment que lui il est allé se coucher, fin de l'histoire. Et en fait, comme c'était le premier tournage, on avait peur, on savait pas comment ça allait se passer et tout. Toute l'équipe fait ouais, on va fêter ça, tu vois, 16h30. Du coup, moi toujours ivre, je les suis et on continue et on boit jusqu'à 2h du matin. Donc j'ai fait un 14h, 2h du mat. Pas mal. J'ai raccompagné sur le chemin, mais je m'en rappelle plus trop. J'ai raccompagné une meuf de l'équipe chez elle, machin, parce qu'elle avait bu et tout. Donc gentleman de ouf. Et après, moi je suis rentré chez moi et j'ai vomi 8 fois. 8 c'est beaucoup. Ouais, c'est, ouais, à bah la c'est fin, plus que j'étais... 5. En fait, j'étais tellement épuisé que je suis allé me coucher nu. J'ai revomi sur mes couilles. Oh. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je ne vous conseille pas de le faire. Le titre de ta bio d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'ai vomi sur mes couilles. En chiant. Allons-y. Allons-y. Allons-y. C'est vraiment dommage. Ça me fait trop bizarre de t'entendre dire ça. Allons-y. Et j'avais. Allons-y. C'est l'effet podcast. Passons la troisième. Passons la troisième, c'est dommage. En fait, une des nombreuses fois où je vomissais, j'étais donc dans mes toilettes. Et en fait, mon chien, qui était vraiment bébé, était terrifié de me voir comme ça. Et je me disais, putain, il ne faut pas qu'il me voie comme ça. Et j'essayais de fermer la porte de la salle de bain, mais j'y arrivais pas parce que j'étais trop saoul pour le faire. Et du coup, je pleurais en t'excusant, en disant me regarde pas, Gordon, me regarde pas. Et toi. Oh. Mais sinon, une cuite, une post-cuite, moi, dont je me souviens, c'est quand Antoine est venu dans Recette Pompette. On va pas parler de ce qui s'est passé pendant le tournage et de toutes les choses que j'ai dû couper au montage. Mais le lendemain et le surlendemain, puisqu'on faisait en parallèle l'émission d'Antoine. Où Antoine, dans le bureau de la prod, était vraiment sur un canapé toute la journée et juste il faisait des râles de douleur. Et nous, on passait, tout le monde travaillait, tu vois, il y avait une équipe de 20 personnes et au milieu, il y avait Antoine qui était sur le canapé qui faisait comme ça pendant deux jours. Et surtout le retour au domicile. Mais je l'ai lu dans ton livre. Le c'est retour génial. Au domicile, oui, parce que le retour au domicile, il m'avait appelé une bagnole, je sais pas, un Uber, je sais plus, Uber en tout cas. Ouais. Et il a tenu à me raconter toute l'histoire du rap pendant le trajet et tu vois j'étais là mais j'étais tellement mal avec les vitres grandes, je vous supplie mais j'en ai rien à taper, lâchez-moi du rap, lâchez-moi. Il m'a pas lâché et je suis arrivé chez moi, j'ai une femme grecque très clairvoyante qui me connaît bien et t'as enlevé le mauvais œil. Non, elle a vu tout de suite qu'il y avait un truc qui elle m'a dit tu as bu. non mais je ne tenais pas debout littéralement. Et donc elle m'a envoyé dormir dans une autre pièce et là j'ai pas dormi en fait, je m'allongeais mais dès que je m'allongeais j'avais envie de dégueuler. Je me relevais pour dégueuler et donc je me rallongeais après épuisé puis je me relevais pour dégueuler. Je crois que j'ai dégueulé autant de fois que toi. Ouais. C'est un très bon souvenir. Ouais. Mais Antoine en parle dans son livre perso souvenir. Et c'est moi j'ai adoré lire justement ton retour en bagnole. Le retour c'est le cas de le dire, oui. Adrien, toi tu j'ai jamais été bourré de ma vie moi. C'est vrai. Une petite bière, ça te suffit toi. Ouais, mais non, mais j'ai jamais été ivre moi donc voilà. J'ai pas d'anecdote. C'est dingue. Vanessa. Moi, j'ai l'alcool bon, c'est-à-dire que je dépasse pas la limite. Donc, j'ai pas vraiment de loose intégrale. Ah oui ? En vrai. Un peu dans la fête. Oui, si, ça va. Dans certaines fêtes de mon village. Oui, on peut parler du vin blanc. Ah, parlons du village. Village. En fait, ça me rend violent, ce vin blanc, c'est ça le problème. Mais le vin blanc rend violent des gens. Moi, j'en connais plusieurs qui sont agressifs. Moi, j'ai le vin blanc très cul, moi. Ah ouais ? Ouais. Attends, Vanessa, Vanessa, comment ça ? Je découvre une nouvelle Vanessa. Première anecdote, elle est en train de latter des mecs. La police est en train d'obliger d'intervenir. Mais non. Là, elle boit un coup, elle devient super violente. Elle a eu un bateau pendant 3 ans, t'as pas dit aussi, mais non pas du tout. Non. Peut-être que je vais te faire une clé de bras avant la fin. Tu vas lui changer de place. C'est changer de place. Attends, je rapproche la bouteille avec le truc bizarre dedans. Non mais toi par exemple t'as une fête de village qui est très connue. Alors je sais pas oui, s'il y a absolument. De l'alcool qui la coule vogue. La foise si, c'est vrai qu'on boit du Ricard. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la vogue quand même? Alors la vogue c'est la fête traditionnelle de mon village. Et en gros on défile sur des tracteurs. Il y a un thème chaque année. Pardon. Et on défile drôle. Sur des tracteurs où chaque classe, donc les gens qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, ça va jusqu'à 1000 pas 1000 ans, parce que les gens très longs. 1000 ans. Ouais. Ouais. Au final, pas encore. Rarement. Peut-être. Et du coup, on fait ça tous les ans, le deuxième week-end de septembre. Voilà. Il y a plein de rites initiatiques assez incroyables. À chaque c'est fois, ça me fascine. Je pourrais pas faire ça. Parce les gens se crachent du Ricard de bouche en bouche. Ah oui. Ah, c'est ce que tu avais raconté, Antoine. C'est rien, c'est du Ricard, c'est pas de la merde. C'est friendly. C'est Covid friendly. Tu peux parler de la Marquisette? Tu peux parler de la Marquisette? Ah oui, alors il y a la Marquisette, c'est la boisson locale. Et je crois que c'est un mélange de vin blanc, de grenadine et d'eau pétillante. Et les conscrits, donc ce qu'on appelle les conscrits, c'est ceux qui ont 18 ans. D'accord. Pissent dedans. Oh, et les vendent allègrement à la buvette. Oh non! C'est afin de s'offrir un voyage en Espagne à la Costa Brava. Mais c'est obligé que ce soit à la Costa Brava. Moi j'ai pas fait dans les bassines. Dans les bassines pour laver le sol, ouais. J'ai pas fait une école de commerce, mais est-ce que ça se vendrait pas mieux s'ils pissaient pas dedans? Je sais pas, hein. Parce que c'est annoncé en fait. C'est annoncé. C'est pas annoncé, mais. C'est pas écrit sur le panneau. C'est une surprise. On le sait. Ouais. Et on c'est essaie de le cacher, mais c'est terrible, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ah ouais. Mais heureusement, on a DJ Décibel qui nous régale de ses playlists qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Je veux y aller. C'est bien vu. Et donc, ici, on a un jumeau et qu'on se fait arrêter après par la gendarmerie. On raconte quoi? Tu peux acheter une petite cagette. Il faudra t'inventer un jumeau maléfique. Antoine Ducrone. Antoine Ducrone. La chanson musclée. Tout passe aujourd'hui avec Antoine. Antoine de Crone qui a la méga chiasse. Incroyable. Ton jouoir des choix. Je suis content d'être venu. Bienvenue Antoine, tu reviens quand tu veux. La mairie de Nice s'est engagée à créer un service ô combien futuriste d'ici 2024. À votre avis, de quoi s'agit-il? Ça a un rapport avec Chiotti, non? L'espace. Il y a zéro merde dans cette histoire. Il y a Eric Chiotti quand même. Voilà, c'est ça. À Nice, un service futuriste. Hologramme. Pas les hologrammes. Le métaverse. Pas le métaverse. De la réalité virtuelle. Non, on non plus. Un peu la réalité augmentée. Non. Eh, vous embrouillez pas les mecs, vous êtes potes. Supprimez les anchois de la salade niçoise. Non. C'est un rapport avec la nourriture. Ça n'a aucun rapport avec la nourriture. C'est un rapport avec l'économique et social. La technologie, je vais dire. Une escape game sur maritime. Non. C'est horrible. Non, je pense pas. C'est un rapport avec la culture niçoise. Pas avec la culture niçoise. En vrai, l'info de Nice, on s'en fout un peu. D'accord. Le FedEx c'est en Nice, à Nice, pardon. C'est de la tech. En Nice, le pays. C'est de la tech, ouais, c'est de la tech, c'est du futur. C'est pour visiter Nice de façon un petit peu en réalité augmentée. En VR, je sais pas. Non, pensez vraiment truc du futur, hein. Pensez film de SF un peu connu. Voiture volante, ouais. Voilà, tout simplement. Ils vont lancer des taxis volants à l'aéroport de Nice. À Marseille, on les vole. Ouais, ça y est, d'ici 3 ans apparemment. C'est des hélicos en fait. Alors c'est clairement des hélicos. Oui, voilà. Ils disent voiture volante, mais l'entreprise s'appuiera sur le partenariat industriel engagé en 2020 avec eVTOL, voilà apparemment. Les volocoptères, première entreprise au monde à développer et à exploiter des avions eVTOL. Volocoptères. Les volocoptères, ouais. Contrairement aux hélicoptères qui volent pas apparemment, ils ont appelé ça volocoptère. Ouais. Comment tu fais pour appeler un taxi dans la rue? Bah ouais, c'est ça. Genre, s'il est en train de voler. Je comprends pas trop comment ça t'as marche. T'as des fusées de détresse que tu lances. Et le mec, oh là, attends, y a un mec en bas. Il y a un bordel à Nice. Ah oui, c'est comme des très gros drones, quoi. Ah, ils vérifient. Ils vérifient en même temps. Ah ouais. Ce sont des gros drones. Ouais, ouais. C'est dur à dire des gros drones. C'est hyper impressionnant. Antoine de drone. Pas si mal au final. Un autre jumeau maléfique. Une vanne visuelle. Je montrais le volocoptère. C'est une photo de ta bite. Non. C'est cool, on n'aura pas besoin de le biper au moins, c'est juste visuel. C'est dommage. C'est dommage de priver vos auditeurs. Une image pareille. Oui, non, bah, on la mettra sur Twitter. Ah, moi je serai à votre place, je jouerai la transparence. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est cette image mystère que Paul peut montrer? C'est un très gros drone. C'est évidemment le drone. Ouais. En fait, il faut savoir que les projets de taxi volant sont en cours dans plein de villes en France, y compris en Île-de-France, puisque On l'a vu au salon du Bourget en Seine-Saint-Denis récemment, des tests. Le groupe Aéroports de Paris, la RATP et la région Île-de-France souhaitent pouvoir transporter des personnes et des marchandises, eux, en 2030. Donc ils voient dans un peu plus longtemps. Il y a des motos volantes au Japon qui commencent à... Ouais, on en a parlé. On en avait parlé également dans le Floodcast. Et Airbus a également dévoilé son prototype à son siège de Toulouse le 21 septembre dernier. Ce drone géant électrique peut transporter jusqu'à 4 passagers. Son premier vol devrait avoir lieu dans 2 ans. Ça serait trop bien que ce soit des trucs du futur, mais qui marchent avec des énergies horribles, genre au charbon. Moi, je crois pas que ça serait très bien. Parce que regarde là, on est au 3e étage. Ouais, à peu près. Au 3e étage, t'imagines tes taxis qui passent là, les mecs qui matchent chez toi. Ouais. C'est bizarre. Bah, déjà, moi, j'ai les gens d'en face qui matchent chez moi, donc ce serait pas si. Mais ils sont pas en taxi. Non, c'est vrai. C'est vrai, au moins. Mais vous, il y aurait une technologie. Enfin, juste, non, mais il y a des pilotes ou alors c'est des drones. Bonne question. Je suis pas. Je sais pas. Oh, si bah il y a plus besoin de pilotes là. Ouais. Ah, là. Je sais pas. Ouais. Écoute, je crois pas qu'il y ait de pilotes parce que vu que le truc est pas géant non plus. Non, je crois que c'est pas. Il y a pas de pilotes. D'accord. Hein. Je dis ça, j'ai aucune preuve. Hein. Je lance c'est ça vraiment comme ça. Un combo de trucs rassurants quoi. Ça vole et il y a pas de pilotes. Je vais monter dedans, bien sûr. Et c'est Airbus. Vraiment pas de galère. Vous, il y a une technologie qui vous ferait envie dans les trucs de SF. Je sais pas, téléportation, voiture volante, trucs comme ça. La tendresse. Hyper touchant. Pas les voitures volantes. Les voitures volantes. La téléportation, oui. Non, la téléportation. Oui, ah ouais. Bah oui, téléportation. Téléportation, c'est le meilleur truc. Ah oui, ouais, je comprends. Moi, le premier truc que je fais, c'est téléporter des trucs dans des gens. Des couteaux et des fourchettes. Non, mais téléporter. Imagine. T'as pu aller à la gare. Régner sur la terre. Bah oui. Fantastique. Ouais, mais c'est ça. Et donc là, vous faites beaucoup de chômage, en revanche, si la téléportation existe. Quoi. Non, c'est j'imagine l'embouteillage monstrueux. Ah ouais. Tout le monde a envie d'être dans la machine. Tout le monde a envie d'être au même endroit, au même moment. Ouais, mais sinon, tu fais. Tu téléportes les choses dont. Pourquoi te téléporter toi pour y aller? Non, mais là, par exemple, mettons que j'ai envie de me retrouver à Trouville. Eh ouais. Ben, tu téléportes. Au hasard. Mais au hasard. Alors, à un feu rouge. Ok. Je me dis, tiens, j'aimerais bien être au feu rouge à Trouville. Mais parce que toi, tu veux aller chez toi à Trouville, mais si tu te dis je veux manger des crevettes à Trouville, tu téléportes les crevettes chez toi. Ah, mais ce serait pas à Trouville. Et puis surtout, tu peux pas. Enfin, a priori, il faut que ce soit quelqu'un à Trouville qui a un casque vert. Ok, c'est bon. Tu rajoutes des trucs. Et puis téléporter des crevettes, il faut qu'elles soient consentantes. Oui, c'est vrai. Peut-être tu perds le goût. Non, mais il faut faire gaffe. Vanessa. Moi, je suis un peu team téléportation aussi. C'est le meilleur truc. Mais à la fois, il y a mon côté humaniste réfléchi à quelque chose de l'ordre de la santé publique. Oui. Mais tu téléportes les gens à l'hôpital. Non, mais t'imagines. Je me prends pour quelqu'un que je suis pas. Téléporter, c'est très bien. Justement, tu supprimes tous les transports. Bah oui, tu téléportes. Si tu vois, tu fais un malaise, tu fais et t'as un petit boîtier et pouf, tu te téléportes à l'hôpital. Ah, mais déjà, il y a un petit boîtier. Voilà. Est-ce que ça te. Non, mais c'est pas le truc de la mouche énorme. Attends, est-ce que ça te permet aussi de téléporter quelqu'un qui est en face de toi et que t'as plus envie de voir? Appuie sur un bouton. Bah là, vraiment, pour téléporter les gens. Non, allez. Moi j'aimerais bien des objets du quotidien mais laser. Tu vois, comme un couteau à beurre laser pour découper ton beurre. Oui, mais qu'il brûlerait un peu, c'est pas mal. Ou la poêle est laser, tu mets des œufs, direct ils sont cuits dans une poêle laser. Mais ça c'est possible que ça existe. Qu'est-ce qu'il raconte? Déjà les plaques à induction, c'est presque ça. C'est quasi ça. Ah ouais, ça crame presque. C'est un gros changement de quotidien quand même, ce que tu dis là. Mais ça moi j'aime bien. Oui, mais c'est un mec du panache, Poulpe. Il veut des trucs un peu farfelus. En vrai, je vous dis, là les couteaux à beurre, machin. Pistolet laser. Oui, voilà. Un sabre laser. Voilà, un sabre laser évidemment. On y vient. Pour faire mal. Bah évidemment pour tuer. Ouais, moi j'ai que des. Moi c'est que des trucs pour faire mal dans le futur. Toutes mes visions. D'accord. Là il y a un nouveau truc, j'ai vu qu'il est sorti, c'est un four où la caméra est dans le four pour surveiller ta cuisson. C'est quand même un truc. Alors de moi ce que je vois, c'est une caméra à l'intérieur du frigo. Ah ouais. Ouais. Pour voir ça s'éteint quand tu. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on avoir le cœur net, d'avoir une caméra dans notre côlon? C'est pour savoir très vite. Ouais, mais comme ça on sait où on en est. Ah, tu vois, une caméra en permanence dans le colon. Tu n'attends pas la coloscopie, quoi. Ouais. Non. Tu la laisses. Tu te fais un petit duplex. C'est une microcam. Tu fais un petit point le soir. Où on est-on? Où on en est, c'est-à-dire. Genre au niveau de la santé ou savoir où est la crotte? Oui, c'est ça. C'est ça. On y revient. On y revient. Elle, la crotte, elle est dans la bouteille devant moi. D'accord. Parce qu'on sait qu'on peut pas le faire, Antoine, que du coup on a envie que de se faire les. Non, moi c'est parce que chaque émission on parle de crotte. Où est la crotte? Qu'il y a un jeu qu'on fait à la fin, c'est un peu rigolo, les auditeurs peuvent participer, ils envoient des textos. Quelle est l'invention que tu adorerais avoir? Mais merci Poulpe de me tendre la main comme ça, je n'y ai pas réfléchi du tout. Non, moi, téléportation, je peux comprendre. Est-ce que moi, tu crois que nous, on y avait réfléchi? Bien sûr. Ah oui, vous êtes sur le qui-vive, bien sûr. Non, mais déjà, des batteries qui durent très longtemps, ce serait déjà bien. Ouais, mais moi, un truc simple. à bord d'une voiture volante, je kifferais de ouf par contre. Et vraiment pas dans mon quotidien, ouais. Mais le faire une fois. Enfin, un hélico ou une voiture volante comme une dans une voiture volante, vraiment un truc qui tu roules et d'un coup ça. Et ça part. Quoi. Bah après, mais si c'est un hélico qui roule à ras du sol, puis après son ça ressemble pas à une voiture. Ouais, moi, j'ai le fétichisme de l'objet. Moi, j'aimerais bien avoir un portrait de quelqu'un qui parle. C'est-à-dire Harry Potter, un peu. Comme dans quoi. Harry Potter, ouais. Oui. Ah, ça, t'as quelqu'un chez toi, mais tu peux choisir en fait son visage en fonction de ton humeur. Oui, et tu peux avoir des conversations avec lui. Et il répond comme la personne. Enfin, sur quelqu'un qui existe. Avec quelqu'un qui te répond vraiment. Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connais, c'est pas drôle. Oui, oui. Mais alors, regarde, par exemple, je rentre chez moi le soir et disons, tiens, par exemple, j'ai Napoléon. J'ai un bus de Napoléon. Enfin, Bonaparte, je préfère Bonaparte. Mais t'as Bonaparte et tu causes avec Bonaparte. C'est pas mal. Mais et quoi, il a une intelligence artificielle. Oui. Il peut tenir il a l'intelligence de Bonaparte. Ah oui, il tient une conversation. Ouais. Mais tout ce qu'il dirait, c'est oh mon dieu, génial, la technologie. Pas mal. Ah oui, donc des gens connus, pas des gens lambda. Mais non, pas forcément Bonaparte. Non, mais si, ça peut être des gens lambda. C'est excédé par ta réaction. Mais non, tu veux dire des vrais amis. Juste pour dire ça. Merde. Est-ce que ce serait, moi j'ai une question, est-ce que ce serait Bonaparte de l'époque ou est-ce qu'il a conscience qu'aujourd'hui il y a des voitures, il y a de la TNT. Ce qui est marrant, c'est le Bonaparte de l'époque. Ah oui, voilà. Bah oui. Donc en fait, tu vois, pourtant à lui expliquer, genre oui, alors en fait, ouais, oui, en gros, oui, ça, oui, c'est une télé. Oui. Déjà, c'est sûr, tu vois par exemple. Le truc qui vient de passer devant la fenêtre, dans le troisième étage, c'est un taxi. Tu devrais lui réexpliquer à chaque fois sa condition. Oui, oui. À chaque fois que tu l'allumes. Et lui, mais. Je suis bloqué dans un taxi. À moi, mon armée, mes dragons, à moi. Moi, j'aimerais bien. Mes dragons. Non, je suis Antoine. Bah oui, c'était ces dragons, ces soldats. Ah putain, je crois qu'il y avait Non, Mon mamelouk. Ça te fait plaisir que je sache. Le mamelouk Ali. T'es content que je te sens flatté. Bah oui, oui. Ça te touche. Et oui, mais ça pourrait être même des personnages fictifs. On pourrait imaginer. Genre. Je sais pas, Harry Potter pour Vanessa, tu peux lui parler. Ouais. Dis, alors, et à la fois, Poudlard, ça me rend triste. C'est un peu de badant. Oui, non, mais sans blague, c'est l'idée d'Antoine de Van. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, tu rentres chez toi, t'as Gaston Lagaffe. Bah, il pionce quoi. Pas mal. Ouais, c'est déjà il discute avec lui, mais il raisonne avec toi. À la Gaston, il a son mode. Bon, allez. Ou alors W.C. Fields. C'est qui? Wow. Oh, il nous jette sa culture à la gueule. Mais non! T'es un humoriste, un comédien américain, très drôle, complètement ivrogne. Mais c'était du cinéma muet, donc ça n'a aucun intérêt. Non, il était pas muet, W.C. Fields. Ah, d'accord. Non, mais... Pour Poulpe, si c'est en noir et blanc, c'est muet. C'est de la merde. Des parents d'élèves canadiens ont réclamé le renvoi de la directrice pour un motif plutôt absurde, je vous demande lequel. Elle est sataniste. Alors, il pense qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. Ah, donc c'est un truc beaucoup plus. Parce qu'il lisait des BD. Non, Harry Potter. Pas en rapport avec Harry Potter. Parce que elle souvent, ne lisait pas de BD. Non, mais souvent c'est associé au satanisme par les chrétiens. Ah ouais. Elle a fait écouter des chansons satanistes. Non, pas de chansons satanistes. En fait, chanson en des vrai, Beatles. Elle a rien fait. Comment? Une chanson des Beatles à l'envers. Avec non. Des... non, mais tu t'approches puisque. Elle a égorgé un gosse sur un pentagramme qu'elle avait en vif Satan. Ils ont dit bah quand même. Les gens vont vite en besogne. C'est complètement absurde. Elle parle à l'envers. Non, elle n'a pas parlé à l'envers. Elle mordait des serpents. Non, non plus. Elle a un tatouage de croix inversé. Non. À l'endroit, mais elle a fait le poirier. Non plus. Non, parce que là, vous cherchez des vrais trucs satanistes. Oui. En vrai, ça, elle s'habille en noir. Alors non, mais on s'approche. Elle se maquille en noir. Non. Elle a des lentilles blanches. Non, pas de lentilles blanches. Elle dit que Dieu n'existe pas. Non. C'est un truc très banal et les parents ont dit bon, c'est sataniste ça. Exactement. Enfin, très banal. Elle avait une aventure avec un exorciste. Non, elle a pas une aventure avec. Mais t'es pas loin. Elle est pas gothique. Elle est. Mais c'est, c'est une métalleuse quoi. Ouais. C'est une métalleuse. Écoute, je vais t'accorder le point. En fait, elle portait simplement des t-shirts Iron Maiden. Oula. Oh, bah, attends, non. Attends, elle cherche. Attends, c'est la directrice de l'école. C'est la directrice elle de l'école. Elle avait qu'à pas s'habiller comme ça. Hein. En tant que parent concerné ayant des enfants impressionnables à l'Eden High School. Déjà le nom vous donne. Eden. Nous sommes profondément troublés par le fait que la directrice affectée à l'école a montré de manière flagrante des symboles sataniques et son allégeance à des pratiques sataniques sur des réseaux sociaux où tous les élèves peuvent la voir sous le pseudo Eden Principal. Bon, ça c'est un peu marrant que son pseudo soit son métier. Mais c'est même pas pendant dans le cadre de son métier qu'elle a porté les t-shirts, c'est sur les réseaux sociaux apparemment. Ah bah apparemment, ouais apparemment. Peut-être qu'elle l'a pas mis dans son métier, t'as raison. Mais Iron Maiden c'est pas un groupe sataniste. Mais non, bah non, pas du tout. Sharon Burns, la principale de l'Eden High School, doit être mutée. La pétition a été mise à jour ce vendredi pour indiquer que la demande de transfert anniversaire n'est pas due à son amour du métal, mais au fait qu'elle affiche ouvertement son propre panneau fait à la maison sur lequel figure clairement le chiffre 666. Oh, mais si, en vérité, si, si, non, en vérité, oui, pardon. Elle s'est trompée, c'est vraiment ouais, très mauvaise cette année. Très cette année. Non, pardon, 666, mais qui était en fait sur une pochette d'un album d'Iron Maiden. Ah, donc en fait, c'est pas vraiment faute. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une contre-pétition intitulée We Need Mrs. Burns, nous avons besoin de Madame Burns. Madame Brûlée. En enfer. Ouais, voilà, à son tour, a été lancée pour soutenir la directrice. Il est ridicule qu'un couple de parents juge son rôle de directrice d'école uniquement sur la base d'un post Instagram. Oui. Il s'agit d'aimer le groupe Iron Maiden et c'est tout. Voilà, eh ben, simplement. Le livre d'Antoine, d'ailleurs, toi, tu parles beaucoup de rock parce que c'est quelque chose qui a été très présent dans ta vie. On sait aussi que tu es super fan de Bruce Springsteen. Oui. Voilà. Oui. Donc peut-être le pas... pote d'Obama. Le pote d'Obama, qui fait un podcast d'ailleurs en ce moment. Ouais. Qu'il a fini ou pas d'ailleurs ? Je ne sais pas. Non, tu sais pas ? Non. Le podcast d'Obama ? Le podcast, ouais, je ne savais pas si c'était une série courte ou longue que. Ils ont fait un livre. C'est un livre, mais ils ont fait une série de podcasts aussi. Oui, la série est finie, oui. Ah, c'est ça, elle est finie. C'est la question que je me posais. Enfin, je crois. Qui suis-je ? Personne t'en voudra. Franchement, personne t'en voudra. T'as pas une émission. C'est pas comme si t'avais une émission consacrée. Bah non, tous les vendredis sur France Inter. Bien sûr. Ah, oui. Non, mais quelle a été pour toi ta meilleure rencontre ? Alors peut-être même pas ta meilleure, mais je sais pas, quelqu'un que t'as rencontré, tu te dis ça, c'est vraiment une rockstar. Est-ce que t'imaginais d'être une rockstar ? Alors le mot rockstar, je m'en fous un peu. Moi, d'accord. Je l'ai jamais envisagé tellement sous cet angle-là. C'est des gens que j'ai rencontrés qui avaient été super importants. D'accord. Pour moi, musicalement et puis. Puis des gens qui avaient vraiment compté quoi dans l'écriture où la musique avait pas changé ma vie mais en tous les cas l'avait fait bifurquer. Donc je sais pas des Dylan, des Springsteen, des McCartney, des Prince, des jamais entendu parler. Voilà, c'est des mais c'est pas du tout une relation idolâtre hein. Tu le dis dans le livre d'ailleurs, toi t'es pas sur des trucs comme ça, même de collection, t'es fan de mais gens, non mais j'aime leur musique, j'aime leur travail. Ouais. Et après je suis rassuré de voir que parfois le personnage est raccord avec Springsteen, il y a ça je trouve par exemple Springsteen à 100%. Ouais. Ou McCartney. Mais t'as ce truc-là avec Stéphane Escher aussi. C'est pas pareil, Stéphane, c'est un vieux pote. C'est, oui. Il a fait la musique d'un de tes films d'ailleurs. Ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Bien, bravo. Ouais, cette émission est très préparée. J'ai dit 4x6, mais Non, non, il a fait la musique de Monsieur N. Bien sûr. Non, je l'envisage plus comme ça. C'est-à-dire, c'est un ami, donc c'est, okay. ça abolit un peu les frontières. Les frontières qui restent évidemment toujours un peu. Avec des gens que tu vois une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, qui sont jamais des vrais amis, mais avec qui t'as fini par établir une relation de confiance et de camaraderie. Mais sans être fan, est-ce qu'il y a quand même des rencontres qui t'ont impressionné, peut-être ? Juste avant, tu te stresses un peu en disant là, je vais quand même parler à tes meufs. Dylan. Ouais. Dylan, le jour où tu rencontres Dylan, tu te fais un peu dessus quand même. Ouais. Ouais, mais alors que moi, j'ai fait une grande quantité d'huile ce jour-là. mais parce qu'il aime pas trop les journalistes, il aime pas trop donner d'interviews, et il était dans une période où il prenait des substances. Donc toutes les conditions étaient réunies. Ouais, pour faire une super interview. Ça se passe pas très bien et ça s'est pas très bien passé d'ailleurs. Voilà, c'était beaucoup de oui, non, je sais pas. Ouais. Jusqu'à un moment où j'avais tellement préparé l'interview, j'avais tellement de questions qu'il pouvait pas m'avoir comme ça. Donc il a fini par répondre un peu à des questions sur ses liens avec la poésie française. Ah pas mal. Voilà, oui quand même, t'as réussi à le choper. Ouais. Mais même Bob Dylan dans les concerts. Moi, je me souviens des histoires sur les concerts où commence à dire, à crier une chanson, par exemple, c'est hors de question qu'il la joue. Ah ben, très rarement ses hits. Non, mais il arrive, il dit pas bonjour, il dit pas bonsoir. Hein. Ouais. Il risque pas de se gourer de vide déjà. Oui, voilà, c'est ça. On a tous ça en tête. Ouais, c'est l'histoire de Johnny. Hey, salut Besançon, alors qu'il est à Bordeaux. mais ça commençait par B. Non, ça, Dylan, il risque pas. Il risque pas de se gourer. Poul, toi, t'as rencontré. Ouais, moi, j'ai ma plus grande idole. Je l'ai rencontrée, je vais dire, à cause. Elle est assise à côté de toi. C'est WAM. Non, mais tu es dans l'histoire, justement, Antoine, et tu vas beaucoup moins rire dans 2 secondes. J'ai rencontré ma plus grande idole à cause d'Antoine. C'est qu'on était au Grand Journal. C'était une web émission. Et en fait, un jour, il y a Peter Jackson qui est invité. Et donc je crois que il était là pour un des Hobbits, je crois, un des films de Hobbit. Et donc après l'émission, je dis Antoine, putain, Peter Jackson, c'est genre le gars qui m'a donné envie de faire des trucs de genre et tout. Enfin, il m'a tellement inspiré, machin. Parce qu'il avait fait Braindead et Bad Taste, qui sont des films indés. Et puis après, comment il s'est transformé et tout. Enfin, c'est voilà, respect total pour ce gars. Et donc je dis ça à Antoine. Antoine qui est très mauvais camarade, il faut le savoir. Antoine, il est taquin, il est pas mauvais camarade, il est taquin. Et donc du coup il me dit bah attends viens je vais te le présenter et tout. Je dis non franchement non et tout machin. Antoine m'a déjà fait le coup sur avec d'autres gens. Donc je savais déjà et donc je dis non c'est bon et tout. Il me fait non mais viens on va lui parler deux secondes et tout machin. Et on était vraiment à deux pas de la loge de Peter Jackson. Et donc je suis je fais de l'huile. Et Antoine m'amène dans la loge. Il y a vraiment que Peter Jackson. Il y a pas d'attaché de presse machin. Il y a que Peter Jackson, Antoine et moi. Et là, Antoine fait « Salut !» Et il part, il ferme la porte, ce bâtard. je suis seul avec Peter Jackson. Et donc, je dis en anglais, je dis « Ouais, j'étais le gars qui faisait la météo et tout. Et en fait, je suis hyper content de vous rencontrer. Vous avez vachement compté pour moi. Et là, en plus, c'est dingue parce qu'en même temps que je vous parle, je suis en train de me faire pipi dessus. Je tente une blague pour casser un peu la glace. Quoi. Je t'ai pas raconté ça, tu savais pas ce qui s'est passé dans la porte. » Donc je dis oh, machin et en plus je suis en train de me faire pipi dessus pendant que je vous parle. Blanc et il fait. Et j'ai fait allez au revoir. C'était horrible. Vanessa, toi t'as rencontré des gens qui étaient un peu importants. Moi je me souviens de l'époque où vous aviez dû, t'avais dû produire un sketch écrit et réalisé par Alexandre Astier, qui était quand même aussi un gros moment quand même. Ouais c'était un truc, c'était un gros passage de cap. On peut rappeler comment ça s'était fait. Alors le tournage en lui-même, c'était le Golden Show. Donc Alexandre avait produit la saison 2 du Golden Show. Il avait réalisé un sketch dans ce cadre-là et on devait tourner à Lyon vu qu'il est basé à Lyon. Mon père est conducteur de travaux dans les travaux. On dirait que t'as sauté deux chapitres dans le livre. Il y a un lien, mais et Alexandre qui n'écrit pas les textes avant. Le matin même, je crois. La nuit avant le tournage. Il m'avait juste dit il faut que tu me trouves une façon de faire léviter Davy à 3-4 mètres du sol vers la place Bellecour à Lyon. Moi, je fais ouais, pas de problème. Je fais de l'huile, comme dit Antoine, en disant je sais pas comment je vais faire et tout. J'appelle mon père, donc il conduit en travaux vers Lyon. Et en fait, mon père m'a fait venir une grue, place Bellecour. Pour faire léviter Davy. Et j'ai croisé le regard d'Alexandre qui m'avait regardé avec un truc de genre oh waouh, okay, en 48 heures c'est bien joué. J'étais très très fière de moi. Pas mal. Et sinon en musique, moi quand j'étais dans une autre vie, quand j'étais bookeuse de musique traditionnelle corse, c'est vrai. On avait lu dans une interview dans un Vanity Fair que Elvis Costello était fan du groupe dont j'étais bookeuse. Ah ouais, et il était passé en Corse, il est marié avec Diana Krall, c'est ça Ouais. Et je m'étais incrustée en backstage pour aller le voir, pour lui donner les derniers albums de ce groupe-là, et on avait parlé pendant une demi-heure, c'était génial. Antoine, tu parles d'ailleurs aussi d'Elvis Costello. Ah, mais il est génial, Costello. Il est génial, vraiment. C'est marrant parce que moi, c'est un type qui me pétrifiait, qui me foutait vraiment les jetons à l'époque quand il a démarré. Il avait 21, à la fin des années 70. Il avait une réputation épouvantable. Il avait surtout un manager qui s'appelait Jack Riviera, qui latait tout le monde. Non mais je te jure, il distribuait des... C'était moi, d'ailleurs. Il distribuait des bourre-pifs, mais à tout le monde. Il était odieux, il était craint comme la peste, et du coup, il rendait Costello inapprochable. Tu sais que quand Elvis Costello, Dania Krall... Costello, Diana Krall... Moi, j'avais fait un coup comme ça, un copain qui était vraiment, je pense à ça avec Costello, il y a eu un groupe qui s'appelait Squeeze. D'accord. Ok, là il y a un blanc. Squeezie, Squeezie, un très très bon groupe pop anglais, et dont un des leaders s'appelait Glenn Tilbrook. Et un jour, je vais dans un club avec un pote qui est vraiment un mec qui aime la musique, mais plus que nous tous réunis. Et on voit un mec au bar, et je sais pas pourquoi je lui dis ça, je lui dis t'as vu, il y a Glenn Tilbrook au bar. Et il me dit tu me le présenterais? Il y a aucun problème. Glenn Tilbrook était quelqu'un de très important à l'époque, et donc on s'approche de Glenn Tilbrook et je dis à Glenn excuse-moi de te déranger, voilà, mon copain qui adorerait te dire bonjour. Et l'autre il part dans un solo, mon pote, en disant waouh, mais Glenn Tilbrook, ben alors il faut que je vous dise, j'ai tout, hein, le 45 tours que vous avez sorti au Japon là il y a deux ans avec tout ça, je l'ai. Il lui fait la liste des derniers concerts où il a joué à Rotterdam, j'étais là quand vous avez fait le New Morning, mais j'étais là. Et une espèce de monologue qui dure vraiment montre en main 3-4 minutes, et l'autre même pas le temps de dire quoi que ce soit, juste à la fin de lui répondre je ne suis pas Glenn Tilbrook. Bien sûr. Évidemment. même pas de qui vous parlez. C'est tellement bon. C'était tellement bon. C'est vrai qu'il lui ressemblait. Oui, oui. Bah ça va au moins. Ouais, ouais. Adrien, toi t'as rencontré quelqu'un? Adrien, toujours pas, non? Non, non, pas tellement. Non, moi j'ai juste une anecdote. Tu parlais d'Astier et du Golden Show, mais je l'ai peut-être déjà raconté dans un podcast. Mais je sais pas si tu te souviens, j'avais été figurant sur un sketch où vous faisiez Les Misérables. Ah non, Les Misérables, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et à un moment, donc, vous vous battiez et il fallait que donc Cosette, qui était incarnée par Alexandre Astier, chante une chanson un peu épique mais un peu nulle en même temps à la bouche. Et vous étiez en train de chercher, vous dites: ah, il faut trouver une chanson qui fasse un peu épique mais en même temps nulle. Et moi, j'étais là juste en tant que figurant et j'étais, voilà, je faisais, c'était même pas mon métier du tout à l'époque. Et donc, un peu dans ma barbe, je dis, et il y a Alexandre Astier qui est à côté, et je dis, je sais pas, Fort Boyard. Et genre, personne ne relève ou personne m'entend, tu vois. Et vraiment, deux minutes à pied, après, pardon, il y a Astier qui fait: Fort Boyard, sinon. Et tout le monde fait: ah, c'est Alexandre, voilà, putain, quel génie. Et je saurais jamais si juste on a eu la même idée ou si il m'a entendu et il a fait aller. Comme à l'école, voilà. Quand tu fais la blague. Il a bien changé, cet Alexandre Astier, quand même, on peut en dire deux mots là. Ah oui? Ah ouais, je pense que c'est. Je sais pas, c'est peut-être le succès qui lui a tourné la tête. Je t'irai le voir en lui proposant de jouer Cosette, tu verrais comment tu serais reçu. Non. Mais tu sais que Antoine, t'es dans ce sketch? Oui, je sais, je m'en souviens très bien. Ouais. Ça, je m'en souviens très bien. Et Kaamelott, c'est une idée de Méniel aussi. Oui, non, c'est vrai. Il avait dit non, mais si, ils se prennent la tête. Dit, il parle comme maintenant, mais c'est le. Il y a un gars qui t'a entendu. Ouais. Ouais, c'était Astier. On en a gros, enfin tout. Tous les trucs, c'est moi. Toi. On parle d'actualité un peu étrange depuis tout à l'heure, mais vous avez. D'un point commun, Antoine, Poulpe et Vanesse, vous avez fait des reportages à la rencontre de gens un peu étranges, vous avez produits ou animés. Poulpe, parce que toi, tu as rencontré des gens, que je t'ai envoyé un texto cet après-midi auquel tu ne m'as pas répondu. Ah donc, bon. Non, oh là là, mais non, mais parce que j'étais. Non, mais c'est odieux ce que tu viens de faire. Attends, fais gaffe parce qu'il va vérifier ses messages aussi. Mais je ne l'ai pas, mec. Ah, tiens, tu vois, comme par hasard, il l'a pas. Il l'a supprimé. Par contre, je vois des noms, c'est fou. Oui. Ah oui, t'es pote avec. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde, putain. non, moi je me souviens d'un reportage que t'avais fait, Poulpe, où t'étais dans une espèce de villa au Texas avec des gens un peu étranges. Non, c'était en Floride. En Floride. Est-ce que tu peux nous. C'était pas celui-là le truc le plus étrange que t'as fait, mais le reportage était. Non, mais c'est un beau pêle-mêle de choses folles. Ça s'appelle le Sausage Castle. C'est y a-t-il de la merde? C'est pour prévenir Antoine avant, peut-être. Il y en a toujours, ça vit toujours. Ça vit toujours avec de la merde. Bah, attends, putain, parce que. Pff, est-ce que je dis tout? C'est un peu loin, bah. N'hésite oui, pas à aller dans les trucs. Non, mais j'ai pas allé dans les trucs de cul. Ah! Mais dans la violence, c'était très intéressant. En fait, c'est un lieu de débauche qui crée des fêtes. Et en gros, tu y vas et c'est des fêtes méga déglingues avec tout ce que peut dégueuler l'Amérique white trash. D'accord. Gros, pour faire simple. Et donc du coup il y a du cul, de la drogue, de l'alcool et des armes à feu. Nigloland un peu l'équivalent. C'est la version américaine de Nigloland, c'est ça. Et du coup là-bas j'ai fait plein d'activités comme un parc d'attractions mais où tout est dangereux. J'ai eu quelqu'un qui m'a mis du lance-flamme sur les pieds. J'ai tiré à l'arme lourde dans les marécages, voilà tout ça. Et il y a eu aussi d'autres trucs de fion, mais je qu'on dira pas là. Voilà, c'est pas la ligne éditoriale. Non, c'est pas là. On n'est pas là-dedans. C'est plus le caca et la violence. Beaucoup plus. Et l'étrange. Et l'étrange peut-être. Et un peu de l'étrange. Et l'étrange. Et t'as d'autres reportages qui t'ont un peu marqué. Pas forcément étrange d'ailleurs, mais qui t'ont marqué. En vrai, tous un peu, je pense qu'Antoine c'est pareil, il y a des trucs, en fait il y a un tel niveau de bordel que c'est compliqué de trouver celui qui va plus ressortir des autres. Bah, Antoine, toi tu parles dans ton bouquin d'une histoire avec des clown tueurs. Ah, oh, les clown tueurs. Ah, en Italie. Les clown canulars, en parler. Moi, je vous la fais très courte. Il y avait sur internet, je sais pas s'ils sévissent encore. Je sais pas. Je crois que c'est plus calmé, je crois. Les clown canulars. Tu sais, ils se déguisaient en clown et puis ils apparaissaient comme ça au milieu de la nuit. Alors, il y avait tout un dispositif avec des caméras cachées partout. Et ils piégeaient un malheureux ou une malheureuse, généralement, tu vois, au sortir d'un tunnel. C'est vrai que c'était souvent le tunnel. Isolé. Et le mec arrivait en clown avec une hache ou d'un couteau et terrorisant quoi. Et il filmait en fait la réaction de la malheureuse victime qui partait en hurlant. C'était courant. Souvent les tunnels parce que justement ils pouvaient pas partir n'importe où. C'était un long. C'était vraiment effrayant. Ouais. Et donc on avait décidé pour l'émission d'Antoine à l'époque d'aller faire un sujet sur eux et c'était des Italiens dans la région de Pérouge. Et on fait connaissance avec deux mecs, deux Italiens plutôt sympathiques, et qui nous disent on a monté un prank pour vous, pour l'émission ce soir. On va s'installer dans une station-service. On va attendre qu'une voiture arrive. On va attendre que ce soit bien un adulte, plutôt un mec 35-40 ans, plutôt qu'un petit vieux qui fait faire une crise cardiaque, une femme enceinte ou je ne sais quoi, ou des enfants. Et à ce moment-là, quand la voiture s'arrête et que le mec a retiré la clé de contact, toi, moi, tu apparais en clown devant sa voiture avec une tronçonneuse, tu démarres la tronçonneuse. Le mec va réagir, il va sortir de la voiture, enfin il sera déjà sorti, il va partir en courant de l'autre côté, et là il y a un deuxième clown qui va sortir du hangar. Sandwich de clown. En traînant une hache très lourde. Très badant. Et puis là le mec va repartir, il va repaniquer, et à ce moment-là on dira ok, coupé, c'était une plaisanterie. Et donc on attend très longtemps. C'est d'abord un petit vieux qui s'arrête et puis une femme enceinte. Et finalement le bon profil, un mec qui arrive sur une mob, qui s'arrête, il enlève la clé, il va pour se saisir de la pompe à essence, et là tout le monde me dit vas-y top, c'est à toi. On est au milieu de la nuit en Italie. Ouais. Au milieu de nulle part, dans la campagne. Dans le bouquin, tu le racontes en plus, genre le voyage était galère. C'était glauque. Puis bon, on était là pour tourner la scène, donc j'y vais, moi. Ouais. Clown, avec les pompes du 58 fillettes, le masque, la totale, quoi. Ouais. Et la tronçonneuse. Je vais me planter devant le mec. J'essaie de démarrer la tronçonneuse, qui évidemment ne marche pas. Bien sûr. Évidemment. Le mec panique, comme c'était prévu. Il part dans l'autre direction. Là, il y a le deuxième clown qui arrive avec sa hache, dans des étincelles par terre. Le mec repanique. Et là, j'entends l'autre clown qui me dit « He's got a gun !» Oh putain. It's got a gun. Et je, effectivement, par les petites fentes de mon masque, je vois le mec qui pointe un gun sur l'autre clown et qui tire. Ah, oula. Et le mec s'effondre. Le clown s'effondre. Et là, le type tourne la tête vers moi. C'était Alec Baldwin. Ouais. Et je suis au milieu d'une station service avec mon équipe planquée, évidemment. Plus personne ne bouge. Hein. Toutes les petites caméras partout. On va filmer les trucs. Je vois venir le truc. Et je me dis, putain, mais je vois ma dernière erreur arriver. Je me dis, et en même temps, j'ai le réflexe de me dire, il peut pas tirer, je suis au milieu d'une station service. J'ai vu ça dans les films, tu vois. Et je sais plus quoi faire. Je suis dans un état de panique absolue. Je me retourne, je lâche la tronçonneuse et je commence à partir, sol mouillé, sol humide, tu vois, en plein hiver, dans la campagne italienne avec un 58 fillettes en plastique qui dérape. Et une panique totale. Et là, j'attends la balle. En me disant, c'est quand même un peu con, tout ça pour ça. C'est genre mes enfants. L'ironie, pense, mourir en clown, ouais, tout ouais, ça. Ouais, non, voilà. Mais je suis pas du tout sensible à l'ironie à ce moment-là. et je cours en attendant de prendre une balle. Oh, en espérant que ça va pas faire mal, tu vois. Ouais. Et puis j'entends, ouais, cut. Ouais. Et en fait, c'était moi la victime. Toi, c'est moi qui m'étais fait. Et comme les caméras tournaient en retirant le masque, j'étais obligé de faire bonne figure, de dire ah ah quand même, mais bien eu. Je les aurais trippés, les mecs. C'est de la sueur sur mon pantalon. Hein. Et trippé. C'est horrible. Ouais, voilà. Quelle horreur. Putain. Ah ouais, voilà. Horrible. Horrible. On va passer à la prochaine partie de l'émission. Ah. Épreuves physiques. Il y a un toboggan qui va arriver. On va lâcher une vachette. J'ai prévenu les auditeurs que vous étiez invités. Ils ont des questions à vous poser, tous autant que vous êtes autour de la table. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des auditeurs. Il y a des auditeurs. On n'est pas juste entre nous là. Non, il y a des gens. Avec des casques sur la tête. Non. En fait, j'ai pas d'amis, moi. J'ai inventé ça pour que des gens viennent chez moi. Mais cinq mythos. Poulpe, est-ce que le côté bricolé de Nerd de No Life te manque parfois, ou est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de garder quand tu travailles sur un projet? Non, parce que Nerd, c'était pas bricolé. Hein. Pour nous, on croyait qu'on était des Américains. Et c'était finalement très, très dégueulasse techniquement. Non, le côté bricolé de Karate Boy, pour le coup, me manque. Où là on mais qui était assumé, cela dit. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, on était en maîtrise du chaos. Et moi, j'adorais ça et ça me manque énormément. Ouais. Mm. Ouais. Tu réfléchis à des projets là-dessus? Pas du tout. D'accord, ok. Non, je m'en sers. Mais ça me manque. D'accord. On peut avoir un manque sans pour autant essayer de le pallier. Hein. Oh, attends, je la note. Une belle leçon pour nos amis auditeurs. Oui. Antoine, à l'époque de Nulle Part Ailleurs, les sirènes du show business t'ont-elles proposé, je te dis pêle-mêle, hein, les sirènes du show business t'ont-elles proposé d'adapter tes personnages dans d'autres arts? Didier Lambrouille le film, Aquarium l'album, ou Gérard Langue de Pute le late show? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et c'est quelque chose que tu as... Non, alors ça, avec José, on s'est toujours dit qu'on le ferait pas. Ça, on n'avait pas du tout envie, une fois qu'on a arrêté, voilà. On va pas capitaliser sur l'histoire et puis refaire autrement, moins bien, des personnages dans la foulée. Non. Ouais. Oui, on a eu des propositions, mais on n'a pas cédé aux sirènes. Bah, bien joué, Moi, j'ai une confession à faire, Antoine, sur Didier Lambrouille. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que j'ai eu une histoire personnelle avec Didier Lambrouille. Quoi? Alors justement, faut surtout pas faire ça, parce que toi, tu as eu peur d'un clown avec un flingue. Il faut que tu saches que ma mère m'a raconté, parce que moi, je m'en souvenais plus, mais qu'apparemment, quand j'étais petit, je faisais des cauchemars de Didier Lambrouille. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a une. T'as pas fini d'en faire? Parce que Didier, il est chez toi là aujourd'hui. Et il va bien de la tête à gueule. Qu'est-ce que c'est que cette tapette? Oh non, il pisse. Il va te chier dessus en plus. Oui, qu'on parle de caca. Eh ben, je vais tous vous chier à la gueule, moi. C'était un rêve qui vient se transformer en horrible cauchemar. Et donc j'étais vraiment paniqué apparemment j'ai longtemps parlé de cette scène où tu pisses dans un aquarium, enfin où Didier, pas toi bien sûr, mais pisse dans un aquarium, qui apparemment j'en ai parlé pendant 5 ans. C'était vrai. Horrible, il a tué des poissons en pissant dedans aucun poisson n'a été maltraité. Non mais j'essaie de comprendre, c'est vrai que le visage tu méfiais, il y avait du sang, était un peu flippant, Certaine agressivité quoi. Ouais, et puis j'étais petit hein. Non mais oui, il était petit, si tu t'en rappelles pas. Je m'en rappelle pas, je devais avoir soit t'as été vraiment traumatisé, ton esprit, t'avais 17 ans, mais ton esprit a occulté le souvenir. J'avais 3-4 ans, je crois. Je suis en 91, donc ouais, je devais avoir 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. Il y avait plus perturbant à l'époque, la télé. Oui, c'est sûr. Vanessa et Poulpe, quel est le projet? Vous êtes producteur, vous avez une boîte de production ensemble. Quel est le projet commun dont vous êtes les plus fiers, les plus fiers tous les deux? Vous avez le droit de pas avoir le même. Putain, attends, je scanne 10 ans de vie. Waouh. T'as 10 ans devant toi, vas-y. J'ai 10 ans. Moi, j'ai une petite affection pour le Golden Show. Bien sûr. Personnellement. Bien sûr. Parce qu'on était frais, innocents et sans attente, et c'était très dans la fulgurance, c'était cool. Et après, plus tard, en étant plus dans quelque chose de professionnalisant, crac-crac, parce que c'est notre premier projet à tous les deux, vraiment de A à Z, et qu'on a diversifié sur plein de supports, qui était vraiment un exercice cool à faire, à mon sens. Ouais. Voilà, apparemment, mon associé ne partage pas mon sentiment. Moi, je vois pas trop de... T'es fier de rien? Ils aiment tous pareil, c'est tous ses gosses, c'est comme choisir entre ses enfants. Non. Il déteste tout. Des enfants un peu pire, une petite dépression. Évidemment que c'est crac-crac, parce que c'est la cristallisation de tous nos talents réunis. Donc et puis il y a eu ce truc aussi de, j'avais vraiment cette impression de, on était vraiment dans une cabane et on construisait un jouet ensemble quoi. Il y avait vraiment ce truc là où l'air de rien on a fait un gros truc, mais on s'en est pas vraiment rendu compte. C'est vrai. Voilà, je dirais ça. Bah, c'est très joli. Très belle émission. C'est ça Non seulement dans les sujets abordés, mais aussi factuellement. Enfin, c'était une belle émission. Visuellement. Je me suis dit là que j'allais prendre un humain et lui demander de remater tous les crac-crac et d'isoler plein de scènes et de les mettre sur les réseaux sociaux, parce que cette émission elle a pas été assez vue en fait. Ouais. Et peut-être trop cataloguée cul, alors qu'il y avait quand même 60%. Tu vois, il y a 60% de cul, mais 40% de blagues. Une question pour Poulpe et Antoine. Vous avez travaillé au Grand Journal à une époque. Et le web émission. Malheureusement, tout est anonyme. Michel D pose la question. Et en fait, vous avez travaillé au Grand Journal entre deux élections. Est-ce que vous auriez été amusé ou peut-être stressé de faire une émission, de faire le Grand Journal pendant une élection présidentielle? Ouh. Là, cette, par exemple, cette saison-ci. Là. Voilà, ouais, ou peut-être ouais. En 2017 ou... Honnêtement, non, parce que, en fait, ce qu'il y avait de rigolo dans le grand journal, qui était. Je suis bien curieux de voir ce que tu vas trouver de rigolo. Non, ce qu'il y avait de rigolo dans le grand journal, qui était une déclinaison de ce qu'avait été Nulle part ailleurs, qui était un talk show. La différence, c'est qu'à l'époque de Nulle part ailleurs, on ne traitait pas du tout de politique. La politique n'était jamais évoquée sur le plateau. Ce qui n'était pas le cas du grand journal, mais ce qui était une évolution aussi logique de faire une première partie avec des politiques qui venaient commenter l'actu de la société. Et puis une deuxième partie plus divertissement. C'est pas le meilleur souvenir que je garde du grand journal, c'est pas la première partie politique hein, ouais. Avec Henri Guénaud qui vient m'expliquer que tout ça c'est de la calomnie. Non, ouais, ouais. C'est les bons souvenirs, c'est les moments d'imprévus, c'est les trucs qui se passent sur le plateau, c'est généralement avec des artistes ou les séquences intermédiaires qui partaient dans tous les sens, ce qui était drôle. Donc non, pour répondre à la question, dans une période d'élection, non. C'est trop stressant, tu te sens trop scruté. Et puis ça t'amène trop à parler de sujets que t'as pas envie de traiter, ou en tous les cas de traiter de manière aussi rapide, sommaire. Et puis t'as des gens, puis en plus t'as des invités en face de toi qui sont pas du tout là pour être marrant quoi. C'est que là ils viennent pas vendre un disque quoi, ils viennent vendre. Ils viennent vendre des éléments de langage. Une vie, quoi. Ouais. Donc, quelle que soit la question que tu poses, ils finissent toujours par eux faire passer ce qu'ils viennent dire. Très bien. Dans la même lignée de questions, Antoine, j'aimerais savoir comment on réagit quand on apprend que France 3 fait une marionnette en latex de soi enfant pour une émission. Puisque tu as été l'inspiration, la muse de Coco des Mini Cums. Question de Florent B. Florent B. J'ai une question de Nima. Moi, ça me concerne pas. T'en parles pas dans le bouquin, tu vois. Non, j'en parle pas parce que là, pour le coup, là, on rentre vraiment sur un terrain très intime puisque j'ai récupéré cette marionnette. Ah ouais? Et qu'elle me sert de. Il y a l'idée du portrait qui revient. Oui, c'est ça. Love Doll, c'est ça. C'est une espèce de mise en abîme, ça me permet d'aller au bout du truc, quoi. D'aller au bout de la chose. De l'enfance, quoi, tout ça. On rappelle que c'est un enfant. Une marionnette. Marionnette, c'est en latex. Voilà, bien sûr. Voilà. Et Coco, c'est ça? Oui, c'était Coco. Coco est nettoyable. Coco est nettoyable. Oui, bien sûr, il était auto-nettoyable. Génial. Hyper bien pensé, les minicums. Très bien. Là, vous venez de souiller l'enfance de plein de gens. Et je vais peut-être récupérer le petit Nagui. Oh non. C'est ignoble. Là, je crois que tu disais que tu n'étais pas collectionneur, mais le but c'est de les avoir tous quand même. C'est les Pokémon de l'époque, quoi. On va passer à la dernière partie de l'émission. Déjà déjà une heure et quart que nous discutons. C'est les recommandations culturelles. Alors j'y ai pas pensé avant, j'ai un peu merdé, je suis désolé, j'ai fait l'émission un peu à l'arrache. J'ai envie de commencer par Adrien. C'est une mauvaise idée, alors, par Vanessa. Non, mais est-ce qu'on recommande Ah bah oui, vas-y, je t'en prie. Non, parce que là, on revient avec Florent, on était juré au VIF, le Vevey International Funny Film Festival, et on a décerné le prix à un film mais qui te plairait, je pense, Poulpe, beaucoup, puisque tu parlais de, justement, retrouver un peu le côté... Du Brick et de Brock. Voilà, et c'est... C'est deux frères qui s'appellent Harpo et Lenny Git, qui ont fait un film qui s'appelle Fils de Plouc et qui est je sais pas comment décrire ça, Florent. Ouais, c'est ça va dans la grande tradition des duos comiques de débilos, donc ça va de Laurel Hardy à Dumb and Dumber. Ouais, c'est un peu Dumb and Dumber, Bernie, Step Brothers. Il y a un humour un peu noir là, Bernie, là c'est arrivé mais près de chez vous un peu aussi. À la sauce actuelle, quoi. C'est ça. Et c'est visible. Ça va être le 18 novembre sur OCS. Ok. En fait, c'est sorti dans genre peut-être deux salles en Belgique parce que c'est une production en belge. Okay. C'est un tout petit film. Hein. Le budget, je crois, il est 300 000 euros ou quelque chose comme ça. C'est vraiment. Mais on a vraiment. Et pourtant, enfin, nous, c'est vraiment un film. Si on nous l'avait pitché, on aurait dit c'est pas notre truc. C'est un long quoi. Ou un court. C'est un long. Ah non, c'est un long. Ça dure une heure et quart, je crois. Une heure et quart. Ça. Ouais. Et en fait, justement, le film est tellement fait avec une sincérité et puis en vrai. une vraie précision dans, dans plein de domaines, que dans ça te chope et puis c'est vraiment très marrant. Et même dans le montage, il y a un truc en gros très moderne à la Eric André ou des choses comme ça, où il y a des choses qui apparaissent à l'image, des trucs très cut, et en même temps, c'est vraiment de l'humour débile, quoi, mais dans le très beau sens du terme. Le réalisateur est monteur à la base, et du coup, il expliquait que vraiment, eux, ils avaient peur que le film soit chiant, donc vraiment, ils montaient pour que vraiment, même eux qui ont vu le film 10 000 fois ne s'ennuient pas en le regardant, pour être sûr que personne ne s'ennuie, donc c'est assez, c'est assez frénétique et sec, mais c'est vraiment, on a vraiment beaucoup aimé, quoi. Vous avez bien donné envie. Fils de Plouc. Et si vous voulez regarder aussi déjà ce qu'ils font en court-métrage, ils ont une chaîne YouTube qui n'est pas forcément très connue, qui s'appelle Club Guitos, avec deux B à Club. Ils n'ont que 2300 abonnés, mais il y a plein de choses. G-U-I-T-O-S. G-U-I-T-O-S, tu as bien raison de le préciser. Ouais. Et il y a plein de petits courts-métrages. Si vous aimez, par exemple, nous, on parle beaucoup de Pastor, que je sais qu'autour de la table, enfin, je sais que. Lucas Pastor. Et c'est un peu cet esprit-là aussi, quoi, de folie, de plein de choses qui arrivent. Donc. Ils ont fait un court-métrage très marrant qui s'appelle Nathalie vous nique tous, qui est déjà un très bon titre quand même. Et voilà, donc il y a plein de choses sur leur chaîne YouTube. On vous invite à regarder, c'est vraiment cool. Voir. Et puis 18 novembre sur OCS, le film Fils de Plouc. Voilà. Mother Schmuckers, en anglais. Et avec un caméo très surprenant. On le divulgâchera pas, mais il y a un caméo très surprenant. Et il était à Sundance aussi, ce film. Ce film est allé à Sundance. Ouais. Et il a beaucoup divisé. En fait, c'est un film vraiment, soit tu adores, soit tu détestes. C'est très polarisant. Ça fait un peu une phrase toute faite, mais vraiment. Ça s'ouvre. Si tu regardes sur Letterboxd, Sens Critique, t'as vraiment une courbe, une étoile, 5 étoiles. Ça fait vraiment un truc comme ça, quoi. Ça s'ouvre sur les deux mecs qui font cuire leur merde dans une poêle. Voilà. Ah, ça donc peut-être pas. Est-ce qu'on pourrait prendre par exemple ce qu'il y a dans cette bouteille? Faudrait enlever l'eau au préalable, mais oui. Mais faut pas se formaliser sur ça. Pas le genre de l'émission. Poulpe, est-ce que tu as une idée? Vous avez parlé de Montre jamais ça à personne, j'imagine, déjà, ou pas? On en a un peu parlé, mais tu peux en parler avec tes mots à toi. Non, mais après, moi je fais ça tous les matins dans Morning Gallery, c'est je fais des recos. Bah, celui de ce matin, vas-y. Donc, du coup, celui de ce matin, c'est ça. D'accord, okay. C'est Montre jamais ça à personne, c'est un doc sur Amazon Prime. C'est un documentaire en 6 parties sur la carrière d'Orelsan depuis qu'il est adolescent jusqu'à maintenant, qui a été fait par son frère qui a tout filmé depuis Clément qu'il est. Clément Cotentin. Clément Cotentin, qui a tout filmé depuis qu'il est ado. C'est hyper intéressant. Moi, il y a plein de trucs que je connaissais pas d'Orelsan. Et surtout, c'est hyper intéressant aussi de voir comment la carrière d'un artiste qui est le gars qui devient, alors, je sais pas si on peut dire le numéro 1 du hip-hop en France, mais qui est quand même bien là. On voit un bon top 5, ouais. Ouais, top 3 même, je dirais. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir les errances, les victoires, les défaites, tous ces trucs-là. C'est trop bien de voir. Et puis ce truc d'équipe, quoi. Il y a un vrai truc d'entourage et de crew qui est hyper intéressant. Et dans la même veine, donc ça, vraiment, je vous le recommande. Et sur toujours dans ce truc de voir l'homme derrière l'artiste, il y a un autre truc qui est hyper intéressant, qui est un vieux doc que t'as dû voir, qui est là, il est ressorti sur Netflix, Some Kind of Monster. De Metallica. Ah oui, bien sûr, évidemment. Incroyable documentaire. Et là, il est ressorti, donc pour les gens qui l'ont pas vu, faut absolument regarder ce truc-là. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, en fait, c'est. On s'en fout que ça soit Metallica. Si les gens sont pas fans de métal et tout, c'est pas grave, faut le regarder parce que. En gros, ils vont pour faire un nouvel album et la maison de disques dit ok, on met deux gars pour réaliser le making-of de la création de l'album. Donc les mecs commencent à filmer et au bout de 15 jours, il y a le bassiste qui est là depuis 15 ans de Metallica qui quitte le groupe. Il dit ouais j'en ai marre, je les déteste, c'est des connards et tout. Il se casse et les trois restants de Metallica, complètement fragilisés par ce truc là, commencent, le groupe implose et en fait ils commencent à se tirer dans les pattes et à se dire, à se balancer toutes les vérités et tout. Et donc du coup tout part en couille dans ce groupe là. La maison de disques se dit mais putain c'est notre poule aux œufs d'or, on peut pas laisser mourir le truc. Ils payent un thérapeute de couple C'est pour venir. Et donc t'as le film, donc ça dure 2h20 et en fait t'as 3 ans de création, mais par toutes les étapes de création d'album pour en arriver à la sortie de donc Saint-Anger, qui est finalement l'album qui a le moins bien marché, je crois. Ouais, mais qui est un album génial. Ouais. Et c'est génial de voir ce truc de. J'ai noté une phrase, je vais essayer de vous la retrouver. Vas-y. C'est génial de voir juste aussi ces trucs d'échecs, de machin, truc de l'ego. Il y a tellement de place pour l'ego dans cette histoire-là. Parce qu'il y a aussi tout le truc où ils font le MTV Icon, où plein de gens leur rendent hommage. Il y a quand même un truc très touchant aussi sur le nouveau bassiste. À un moment, ils font le casting du nouveau bassiste. Donc, ils lui offrent, je crois, $1 million, je crois, en cash. En fait, il passe un casting pour le nouveau bassiste. T'as la partie audition, t'as que des gars qui viennent passer. Donc, c'est que des gars de très, très gros groupes de rock. et ils passent une audition, mais comme s'ils étaient des stagiaires. Enfin, c'est un, ouais, vraiment, c'est tiens une guitare et impressionne-nous, tu vois. Ouais. Et donc, t'as un gars qui donc est sélectionné, Robert Trujillo, qui et, faisait partie d'Infectious Grooves. Voilà, j'en profite, c'est un très bon suicidal, groupe. Suicidal Tendencies, ouais, bien sûr. Et en gros, effectivement, au début, donc ils sont pas bien du tout, ils sont perdus. Il y a un nouveau gars qui arrive. Donc, tu sens les gars qui sont en mode ah, quelqu'un de nouveau. Donc, ils en font des caisses en disant t'es meilleur que nous, tu joues mieux que nous et tout. Et le gars, il comprend pas, il se prend plein d'infos dans la gueule, il est en bout de table, il fait ok. Et t'as le batteur Lars qui fait bon, et pour que tu vraiment que tu comprennes que vraiment on veut que tu sois le quatrième membre du groupe, pas quelqu'un qui vient de temps en temps et tout, avant même de parler de contrat, hein, on te donne $1 million. Et t'as le gars qui fait je comprends pas. Mais tout le dub s'articule un peu autour de Lars Ulrich, donc le batteur, et James Hetfield, le chanteur. Donc tu sens que c'est là la vraie crise, ouais, c'est entre deux. Et c'est deux bébés deux bébés cadavres. Et le dub s'ouvre sur ce truc génial où ils vont chercher Dave Mustaine, ouais, qui était en gros un des premiers guitaristes de Metallica, ouais, qui ensuite fait Megadeth. Mais s'est fait virer. Et qui s'est fait virer très vite. Et t'as la scène justement du gars de Megadeth qui est incroyable. Qui lui dit en veux encore. Oui, il dit ouais, moi... les ados qui me croisent dans la rue et qui me disent ah, Metallica, et qui me font des doigts. Et surtout, il dit moi, ma carrière, pour plein de gens, c'est un symbole de réussite. Oui. Pour moi, je ne serai que le numéro 2 devant vous, ouais, derrière vous. Oui, parce que Megadeth, c'est un énorme groupe. Est-ce que, Iron Maiden est un groupe sataniste? Oui, c'est la question qu'on pourrait se poser. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a une légende urbaine, je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai déjà lu dans un bouquin sur le rock, de Megadeth. Pourquoi ça s'appelle Megadeth? Parce que dans les trucs de disquaire, Dave Mustaine voulait être juste devant Metallica. Et donc Megadeth, wow, c'est très proche de Metallica. Ah, quand quoi, tu cherchais les disquaires, oh non, tu tombais juste sur Megadeth avant Metallica. Heureusement qu'il voulait pas être avant Abba. Il aurait galéré. Et en gros, donc, sur Netflix, il y a ce doc, donc Some Kind of Monster, et ils l'ont fait comme si c'était une série, mais c'est pas le cas. Mais derrière, t'as, en deuxième épisode, t'as un doc fait par les mêmes réals, mais 10 ans plus tard. Ah ouais? Où tu vois donc les retombées de ce documentaire. Les membres de Metallica, mais aussi plein de gens du milieu de la musique qui ont été complètement inspirés par ce truc et qui disent, en voyant ce doc, en fait, on se rend compte que c'est important d'accepter l'échec, les failles, les machins, les trucs, les problèmes d'ego, machin. Et il y a plein de gens qui disent que le doc a aidé leur groupe respectif à gérer les crises, les machins. Et dans ce truc-là, tu as James Hetfield qui dit à la fin, donc il a vu le doc, vas-y, où tu te dis mais c'est ouf qu'ils aient accepté de montrer ces images, tu vois. Il a retrouvé la citation. Et James Hetfield dit en fait c'est important, et j'ai appris ce truc là en faisant ce doc et tout, d'accepter que le public aime exactement qui tu es et pas le truc que tu essaies de te fabriquer, l'image tu vois, de personnage que tu te fabriques, et de voir justement les failles, les machins. Et en acceptant de montrer, il y a une scène où tu vois James Hetfield, le leader de Metallica, qui va voir sa petite fille à un ballet de danse qui a 5 ans. Avec des lunettes de vue. Voilà, et typiquement cette scène-là, tout le monde lui en a parlé, tout le monde lui a dit « Mec, c'est tellement courageux ce que t'as fait, toi. » Et donc, et c'est hyper bien. Voilà, je vous recommande très vivement ces deux docs. Bah, et oui, et c'est vrai que ça fait écho au doc d'Aurel, qui est complètement dans ça c'est aussi. Ça, qui est complètement ça, dans ça. Je savais pas que t'avais un fichier note avec des petites anecdotes. Des citations. Ah ben bah, tu marques Carpe Diem. Ouais, il a aussi un carnet à blagues. Il va nous raconter deux anecdotes. Deux histoires si drôles. C'est gratuit, c'est toi le produit. Là, j'ai une note, c'est une tomate, c'est juste une pomme qui est salope. Voilà. Voilà, y a tous les je pense que c'est là-dessus qu'on peut se quitter aujourd'hui, mes auditeurs. Ouais, c'est une idée pour ta pierre tombale. Ouais, je sais pas, tout n'est pas à garder dans mon fichier net. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose d'artistique? Pas forcément récent, hein, vraiment quelque chose qui t'a marqué. Pas forcément d'artistique d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Oui. Pas forcément quelque chose d'ailleurs. Peut-être que si t'as rien à dire, c'est pas. Peut-être des points américains. Figurez-vous que je me remate tout Lost. 20 ans après. J'ai jamais vu Lost, moi, tu sais. Eh bien, je revois tout, j'en suis à la saison 6, et je trouve que c'est une série excellente, donc regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Elle est dispo sur Prime, je crois, la vidéo. Absolument. Ouais, c'est ça. Dans la thématique avion, en ce moment, je suis dans cette thématique-là, je ne sais pas ce que ça raconte. Mais d'ailleurs, t'es venu comment? En avion. Dans la thématique avion, et dans la thématique avion, on a absolument lu le bouquin. TJ Newman, Falling, que m'a conseillé Antoine, et je lis aussi L'Anomalie. C'est quoi, qui est excellent. Falling, c'est un. Mais il faut que tu le racontes toi, parce que moi je l'ai reçu. Fais confiance en toi, enfin. Non, non, en fait, j'ai... Non, non, non, mais c'est un truc. Antoine m'a dit de l'acheter. Je l'ai acheté. Mais après, moi, il m'a pas dû le lire. Je... C'est un thriller américain qui a été. C'est Don Winslow qui a alerté tout le monde là-dessus. C'est extraordinairement écrit. C'est une nana qui était, je crois, je ne vais pas dire de conneries, travaillait dans une librairie. Puis qui était hôtesse de l'air. Et en fait, elle écrivait pendant les vols de nuit. Et c'est l'histoire d'un... Le pitch, c'est un pilote d'avion dont la famille est prise en otage au sol. Et les mecs lui disent, tu craches l'avion sinon ta famille y passe. Voilà, ça démarre comme ça. Et c'est 250 pages, mais tendu. C'est rien de le dire. Avec vraiment le côté feuilletonnant, mais hyper maîtrisé. Tu binges ton livre. Tu deviens dingue en le lisant. Tu deviens dingue en le lisant. Et moi, tellement dingue que moi, je l'ai consommé. Tu vois, je me faisais deux chapitres, pas plus. Et puis je restais sur le putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais où ils vont? Mais comment ils peuvent sortir du truc? Parce qu'à un moment, c'est tellement, tellement bouché. C'est brillantissime. Ok. Voilà. Tu t'imposais une frustration. Mais alors, il n'est pas encore traduit en français. Ouais. Il est qu'en anglais. Ouais. Falling, ouais. Falling. Ouais, très bien. Mais l'autre livre que tu voulais conseiller, L'Anomalie d'Hervé Letellier, le concours 2020. Et séries qui sont, pour moi, les séries vraiment qui m'ont le plus marqué de cette année jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai regardé cette année. C'est Rami. D'accord. Ah oui, c'est sur deux, qui est sur Canal en ce moment. C'est incroyable. Tu peux pitcher en deux mots pour donner un peu envie. Si je pitche en deux mots, c'est un musulman première génération, donc les parents sont égyptiens, sont installés aux États-Unis dans le New Jersey, et c'est la vie d'un musulman de 25 ans, je dirais, et qui se retrouve à devoir naviguer entre les traditions et la modernité de son existence. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est incroyable, il y a les meilleures vannes ignobles ever. Enfin, c'est incroyable. Et autre série que Antoine aussi kiffe. On s'adore en fait, Antoine. Bien ensemble, disons-le. C'est Mom sur Arte. Ouais. Là, pour le coup, c'est une série anglaise, une sitcom anglaise en trois saisons. Et c'est pareil, hilarant, hyper bien écrit, hyper bien joué. Et pareil, voilà, tu peux le pitcher, pour le coup, j'en ai pas entendu parler. Bah, alors, pas c'est une femme. Je sais pas dans quelle ville. Dans un bled. C'est dans un bled, une petite ville anglaise. Et c'est le. L'histoire d'une famille endeuillée parce que le père est mort. Et donc c'est l'histoire de cette femme et de son fils et de sa famille et de sa reconstruction. Mais c'est hyper drôle parce que c'est de l'humour anglais. D'accord. Et c'est incroyable. J'ai chialé de rire dès 10 minutes alors que vraiment c'est que des enterrements. Ouais. Et c'est incroyable. Ah, c'est vraiment bien. C'est sur Arte. Trop bien. Tu m'as donné envie. Très bien. Antoine, tu nous as conseillé un livre, mais est-ce que tu as autre chose? Je voudrais attirer votre attention sur un film suisse qui va arriver au printemps et qui s'appelle Mad Heidi. D'accord. Heidi la cinglée, qui est une série Z annoncée totalement assumée, ouais, et qui raconte l'histoire d'un dictateur en Suisse qui a mis la main sur le marché du fromage et qui a réussi à lobotomiser tout le monde. Via les matières grasses et à transformer les Suisses en zombies. Ah, pas mal. Okay. Ouais. Et il avait fait un crowdfunding pour le pilote. Pour le pilote, ouais, à partir d'un petit pilote de même pas un pilote, un teaser de 3-4 minutes. On reste dans les avions. Qui est absolument démentiel, Et le film est en cours de tournage. D'accord, voilà. Okay. D'accord, il arrive au printemps et je vous garantis que ça va être absolument génial. C'est un film à long métrage sale. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas encore vu, le Ridley Scott, le dernier duel. J'ai pas eu le temps encore. Vraiment, le ratez pas. Et puis là, vraiment, c'est fait pour le cinéma et le grand écran. Ah, c'est sublime. Ouais. Très bien, le dernier duel de Ridley Scott, qui est en salle, je crois, depuis 2-3 semaines. Ouais. Donc tardez pas, parce que les films ils partent vite. Oui, en ce moment, ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta façon de parler qui m'agace. Je comprends. Toi, tu vas faire une reco ou pas? Est-ce que tu vas faire une reco? Il a pas eu le temps de préparer. Alors, j'ai préparé quelque chose. Parce que là, vous le voyez pas, mais c'est le livre d'Antoine Decaune, perso. Mais c'est rigolo parce qu'il est dans un. On parlait la semaine dernière du livre de Seth Rogen, qui est un livre qui parle de plein d'anecdotes sur sa vie. Et le livre d'Antoine, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est des histoires, c'est plein d'histoires. Et pareil, ça se consomme justement, un peu comme tu disais, le livre, Antoine, c'est on a envie d'en lire un peu, mais d'en garder un peu pour plus tard. C'est un livre très généreux, il y a 400 pages. Je vais pas te mettre mal à l'aise en disant tout le bien que j'en ai pensé, mais je vous le conseille vraiment. Je crois qu'il est bien. Tu peux continuer. Vas-y. Non, mais c'est vraiment vachement bien. Moi, moi, un des trucs que j'ai préféré, c'est que ce n'est pas dans un ordre chronologique. Mm-hmm. C'est que c'est vraiment comme ça, au débeauté. Il n'y a pas vraiment. Aléatoire. C'est aléatoire. Et du coup, bah, on s'ennuie jamais parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Et des fois, c'est des trucs très drôles. Des fois, c'est des trucs très personnels. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Et tu parles de plein de choses très perso et d'anecdotes que j'ai jamais entendues. D'autres qu'on a entendues de loin, mais tu donnes ta version, tout ça. Donc, c'est vraiment un livre que je vous conseille beaucoup. Et c'est marrant parce que tu parlais, Poulpe, du mettre en avant les autres et le groupe, à quel point le groupe est important. Ouais. Et Antoine, moi, j'ai vu ça dans ton livre aussi. Tu parles beaucoup des gens qui t'ont accompagné. Évidemment. Et c'est assez touchant. Enfin, de se dire, bah ouais, on n'est pas tout seul dans ces histoires-là. C'est eux qui comptent, en fait. Ouais. C'est grâce à eux que tu es ce que tu es. C'est ça, c'est ça. Je vais la noter celle-là. Elle est dans le portable de Poulpe. Elle est déjà dans le portable de Poulpe. Ouais, ouais. Ça a été très très vite. Non mais donc, voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Perso d'Antoine de Cône chez Sonatine Édition, qui est une super maison d'édition d'ailleurs. Moi, j'avais acheté un bouquin, je crois qu'il est là, Le Royaume Enchanté, qui était super. Ils avaient adapté aussi. C'est surtout eux qui ont publié Tim Willocks. Et un livre de Tim Willocks qui s'appelle La Religion. D'accord. Et si vous nous écoutez, que vous n'avez pas encore lu La Religion, vous précipitez dans la première librairie, il est sorti en poche entre-temps. D'accord. C'est un livre extraordinaire qui va vous renverser, vous retourner la tête. Et ben, ils ont aussi édité un autre livre que je vous conseille aussi, parce que comme ça vous êtes sur le site de Sonatine, vous prenez celui d'Antoine et vous prenez deux trois autres. C'est un livre qui s'appelle Box Office. Ouais. Je ne sais plus le titre français malheureusement, le titre anglais pardon, mais le titre français c'est Box Office. C'est Box Office en anglais. C'est ça. Non justement c'est un autre titre en anglais, mais c'est sur le. Toi ça va te parler Poulpe, je sais qu'on a la même passion pour ces films là. C'est sur le producteur qui travaille avec Jerry Bruckheimer, Don Simpson, et qui a une vie de mania fou d'Hollywood et qui raconte comment il est arrivé à Hollywood, comment il a tout cassé et comment il est devenu fou. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Et c'est tous les excès de ces années-là et en même temps les coups de génie comme les coups horribles de folie. Et c'est un livre vraiment fascinant sur ce gars-là qui était touché par la folie totale. Et y a un mélange d'histoires horribles, mais aussi c'est super fascinant sur ce qu'a été ce cinéma-là des années 90 avec des grosses voitures, des grosses explosions et des guns. Donc si vous avez grandi avec ces films-là, c'est assez intéressant, c'est assez cool. Écoutez, je crois qu'on s'est tout dit. Merci beaucoup, on s'est dit beaucoup de choses, beaucoup qui tournent autour de la merde, mais ça m'a fait plaisir. Il y a encore tant à dire. Mais vous reviendrez. Oui, bien sûr. Attendez, la porte est ouverte. On va faire un dernier tour de table pour revenir sur les actualités de chacun. Poulpe, tu es tous les matins sur Twitch, enfin du lundi au vendredi. Oui, exactement, du lundi au vendredi à 9h30 sur ma chaîne Twitch chez Poulpe, et on fait Morning Gaulerie avec Davy et on s'amuse beaucoup, c'est très cool. Et il y a aussi, on parlait, tu disais crac crac, l'émission d'Apple TV, mais tout est dispo sur ma canal. Tout ce que tu as fait est dispo sur ma canal. Tout ce que j'ai fait est disponible sur le digital. C'est ça. Le digital numérique. Ouais. D'accord. Ah, non, mais précise, t'as raison, parce qu'on est perdu. Non, et puis j'en profite pendant que tu me tends la parole. On peut dire ça. Ouais, dans la parole. Non, personne tendu, mais enfin, tu l'attends rarement. C'est bien correct. Non, mais je suis très content d'être chez vous. Ah bah ça me fait plaisir. Je suis très t'étais venu la première fois t'as invité, c'était quand même dans une salle de... Oui, t'avais 42 fièvres. Oui, j'ai aucun souvenir. Poulpe est venu, on a fait 2-3 épisodes, enfin 2-3, pour qui je me prends. 2 tout simplement. 2 épisodes au Bataclan, et Poulpe était venu au premier en live, en public, et Poulpe était venu au premier, mais il avait 42 fièvres, donc il a tout oublié. Ouais, mais il vient, quoi qu'il arrive, il est là. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. J'ai précisé en live quand t'as dit au Bataclan, comme un con, parce qu'évidemment que c'était en live. Et non, et Poulpe, tu joues dans quelque chose sur lequel j'ai travaillé, parce que tu fais une apparition, enfin non, un vrai rôle d'ailleurs, dans la série de Maxence. Il a fait une série Maxence, t'as oublié ça aussi, t'étais malade aussi également. Non, je sais pas que t'avais travaillé dessus. Je l'ai écrit avec Timothée Hochet et Maxence, la série Sort là. Tout est trop beau. Ton épisode est sorti hier, parce qu'on est dans le futur, tu sais, par rapport au fait que ça sort lundi. Et ouais, bien donc, sûr. Ton épisode est sorti hier. Il y a une performance, c'est Eddie Murphy, moi je te le dis. C'est la famille Folding pour moi. Non mais voilà. Edouard Murphy. Vanessa ? Toujours dans la production, des projets plein les poches. Des projets plein les poches, de l'argent plein les fouilles. Moi, qu'est-ce qu'on peut me retrouver où? On peut me retrouver à la salle des fêtes de Macla dans mon village. Ouais, d'accord. Pour la battle des fanfares. De la pisse. Voilà, c'est mon actu. Non, est-ce qu'il y a des trucs qui vont faire il y a avec... beaucoup de choses pour nous qui seront annoncées en 2022. D'accord. Et dont on peut pas forcément tout le temps parler. Dont vous reviendrez nous parler, bien sûr. Absolument. Sur ces... Et on va sûrement devoir revenir tous les trois. Mais qu'est-ce que ça cache? Moi, trois bons potes, et ça me réchauffe le cœur. Et ça me réchauffe le cœur. Non, mais il y a des trucs chouettes. Il y a un super projet documentaire sur lequel on travaille depuis 3 ans. D'accord. Sur le chess boxing, que Antoine d'ailleurs a, c'est le premier à en avoir parlé en France à l'époque, il y a 20 ans. Plein de projets qui arrivent. Enfin, un sport inventé par Inky Bilal. Ah ouais ? Ah oui. Absolument. Dans son BD en 1980. D'accord, génial. Et donc on fait un documentaire là-dessus. Super. Donc, c'est un super projet. Voilà. Génial. Et il y a des trucs de prévu avec peut-être Elles font YouTube ou l'Atelier 7. Ah oui. Ouais. Alors, merde, putain, j'ai pas les dates. Mais je sais que les prochaines dates de Elles font YouTube, donc c'est la promo, la cinquième promo. Explique on est peut-être en... ce que alors, c'est. Elles font YouTube est une résidence explique de mieux. Création. J'ai envie de lui casser la gueule. Donnez-moi ma langue. Je défends ce fils de pute. Elles font YouTube, donc c'est une résidence de création co-créée avec Nadja Hanan, réalisatrice, scénariste, chef opératrice, qu'on encadre depuis 5 ans maintenant, qui est donc en full féminin. Donc on encadre 8 scénaristes sur leur projet chaque année pour faire émerger des nouveaux talents et réduire, enfin augmenter plutôt, disons les choses positivement, la ouais. visibilité des femmes sur les plateformes. Tout à fait. Voilà. Et donc, prochaine résidence, une semaine en décembre à Avignon, encadrée par moi et Nadja Hanan. Allez sur le site internet de Frames Pro. Super. Il y aura les dates et la procédure d'inscription. Bah écoute, envoie-moi un texto après l'émission et je Absolument. Le mettrai dans la description du podcast. Voilà, pour que les gens qui sont intéressés peuvent rejoindre ceci. Antoine, donc le livre, Antoine de Cône Perso. Dans les projets, les dans les actualités. Carrés, ouais, ah bah dans là, tu il y a ouais. pop-up tous les jours sur Inter. Bien hein, sûr. 16-17 qui se transforme en pop-up podcast. Évidemment, le vendredi. Voilà, à la même heure. Il y a la Gaule d'Antoine, la fameuse. On continue à tourner. Là, on vient d'attaquer la Belgique. Magnifique. Ah, ça y est, vous avez attaqué la Belgique. Oui. Ouais. Il n'en revient pas. Il y a Profession. Oui. Profession qui est une mensuelle sur Canal. Super émission. Je crois que la prochaine. C'est apiculteur, je crois. On a fait, oui, on a fait apiculteur ecclésiastique et sportif, je crois. Non. Il coupe tout. Il y a eu Cavalier il n'y a pas si longtemps. Il y aurait ça s'ouvre. Ouais, ouais, ouais. On va essayer d'ouvrir des professions un peu rigolotes. C'est ça. Et puis César. Voilà. Voilà. César. Ah oui, c'est vrai, tu présentes les César. Ah oui, César. Il y a tout un chapitre très marrant d'ailleurs dans le livre où tu parles des idées non retenues. Oui, je vais essayer de les mettre à exécution cette fois-ci. Ah, du coup, c'est assez. C'est très marrant. C'est très marrant de voir ce qui n'est pas possible. Merci à tous. Adrien, toi, tu. Adrien, oui, peut-être. Non, des projets, mais parce que moi, c'est toujours. Moi, je suis là tout le temps. Il est là toutes les semaines, Adrien. Non, mais toujours. Bah, le projet, déjà, c'est d'être là la semaine prochaine. Déjà. Non, mais toujours la bonne auberge, tous les premiers dimanches sur Twitch, du jeu de rôle, machin. Et puis. Toujours hors de lui, la série de Baptiste Lorbert qui arrive, dans laquelle j'ai un petit rôle, le 12 novembre qui sort sur France.tv. C'est gratuit, donc on pourra voir ça gratuitement. Et voilà. Et puis après, encore une fois, les autres projets dont j'ai pas les dates de sortie, donc ça sert à rien. On voulait, de toute façon, dès qu'on les a, on les dit. Hein, on n'est pas secret, hein, pas du tout. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Attendez, faut que je fasse la mienne aussi. Bien sûr. Donc la série de Maxence qui est en ce moment, tout un épisode tous les dimanches, et le spectacle de Baptiste Le Caplain que j'ai eu le plaisir de coécrire avec lui, qu'il joue un peu partout en France et qui va jouer à Paname au Café de la Danse. Et je connais trop bien les dates par cœur parce que là je les cherche dans ma mémoire et pas du tout sur un ordi. C'est du 21 au 31 décembre. De toute façon, vous allez sur le site baptistelecaplain.fr et il y a toutes les dates qu'il fait partout en France. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Et de rien, et juste une dernière faveur, on peut retirer ce truc de la bouteille là. Aucun problème. Merci tout le monde. Dépêchez-vous de l'enlever parce que ça vient, j'en ai un nouveau qui arrive. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.